pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. Noël, 17h-20h, Coé prend les rênes de la radio. Non, pas ceux du Père Noël. Et bim, c'est pour moi, c'est cadeau. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. En public, week-end, ce week-end dans le Nord. Week-end à week-end à Lille. Tous les deux à 3000. Week-end de One Man à Lille. Spotlight, une salle où il y a plein de gens qui vont jouer, répéter et tout pour le rodage du One Man. C'est plein. Spotlight. C'est plein à craquer. Ouais. On sait même plus où on va mettre les gens. On va les mettre sur scène, allongés sur scène. On va voir comment on va faire. Allongés sur scène. Pendus au plafond. On n'a jamais fait vendre des places pendues au plafond. On va se débrouiller. Ensuite, je passerai par Genève au mois de janvier. À partir du 14 janvier à Paris, à la Comédie de Paris. Enfin. Cadeau de Noël. Voilà un cadeau de Noël intéressant. Vous voulez offrir un cadeau de Noël. Hop, casino de. Pas casino de Paris, Comédie de Paris. Voilà, vous allez. Coé, le One Man. Ce sera le lundi. On va passer un bon moment. Tu nous offres ça pour Noël? Bah, je vais pas vous offrir des places de mon spectacle. Bah pourquoi pas? C'est déjà mieux que rien. C'est pas terrible, mais bon. T'as rien eu toi ce midi? Bah non. Ah oui. Ah oui, non, bah non, moi j'ai pas eu. Ah c'est dommage. J'ai pas eu. Ah il y avait des cadeaux. Ah oui, il y avait des cadeaux aussi, mais comme des cadeaux. Ah non, moi j'ai rien eu. On a eu des cadeaux. Il y a des cadeaux. Ah oui, il y a des beaux cadeaux. J'en ai un moi, non, j'en ai pas. Oui, si, t'en as un. Ah cool. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique, on a fait un petit Noël ce midi dans ma boîte de prod et il y a des petits cadeaux pour tous les salariés, des trucs pour acheter ce qu'ils veulent. Mais Bichette, il est à Énergie. Ah, non, moi, je ah oui, j'ai pas signé la boîte. Ah oui, c'est vrai. En plus, je suis désolé. Mais moi, je veux bien des places de spectacle. Bah, il t'aura un petit cadeau Énergie. Il y a toujours des cadeaux de Noël. Ça te branche un bananier fatigué? Je peux t'avoir un bananier, mec, qui a une gueule. Une gueule de pissenlit. Qu'est-ce que c'est le bruit? De... Ouais, mais je te jure, je vais le caresser ce soir, je vous ferai une vidéo. Je vais rentrer chez moi à 20h, vous allez entendre. Je caresse la feuille, elle fait. Tout sec. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit que vous entendrez. Alors, et on essaie de me vendre que ça, c'est normal. Pour ça, il faut qu'ils te suivent sur Instagram. Alors, sur Instagram, on est à moins de 200. Est-ce qu'on peut les passer en 5 minutes? Ah, est-ce que c'est possible après vous? Oui, oui. Mon Instagram, c'est Coé officiel. 200. Combien? 213. Si, ouais, 213. Allez, dépêchez-vous. Est-ce qu'on peut passer les 654 000 followers? Ça peut se faire là en quelques minutes. Alors, le temps que vous alliez sur Instagram, vous allez dans follow, vous me follow. Et oui, oui, en général, ça marche bien quand tu dis en échange, je ferai ça. Et ben, je vous ferai le bruit de mon bananier. Si ça vous fait plaisir. Tu vas secouer ton bananier? Allez-y. Donc, sur... Non. Je me secoue le bananier. Vraiment pour vous. Et si jamais on arrive à 654 000, c'est pas beau ça? Et je vous ferai la vidéo ce soir. Et Dieu sait qu'il est fatigué. Et je mettrai en live que il se secoue le bananier. Hyper. Oh là, on a pris 20 d'un coup là. Ah, il va se secouer le bananier. Le compteur s'affole. Oui. Bon, est-ce que t'es joueur? Ah, pourquoi? On me dit qu'il y a une surprise, c'est ça? Oui, il y a une surprise au téléphone. Je suis très mauvais pour découvrir les surprises et savoir qui me parle. C'est quelqu'un en ligne? Oui, quelqu'un est en ligne. Eh bien, je suis joueur, donc je vais y aller et je dois reconnaître qui c'est. Tout à fait. Bonjour, invité mystère. Coucou Coé, devine qui c'est. Alors, direct. Alors là, la voix, je ne la connais pas. Faut parler un peu plus. On se connaît? C'est quelqu'un de la famille. C'est pareil que devine qui c'est. C'est la famille. C'est mamie. On se connaît? Encore, mais bientôt, j'espère. Pas encore, mais bientôt, j'espère. Waouh. Pas encore, mais bientôt, j'espère. Fais parler la personne. Ah oui, ouais. Oui, mais j'entends un petit accent. Oui. J'ai entendu bientôt, j'espère. Dracula? Il y a un petit accent. Vous êtes russe? J'entends un petit accent du Pays de l'Est. C'est vrai. Amar, en Picardie. Comment? À Marne, en Picardie. Mais enfin, il y a un truc qui ne va pas. J'entends un pays de l'Est avec... Il y a un contraste. Du côté de Marne, en Picardie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Chino parle comme ça. Elle ne peut pas être une fille de chez de Marquois. Peut-être elle a voyagé avant. Vite, il reste 100 personnes. Pose-lui une question. Alors, non, mais on ne se connaît pas et on va se rencontrer. Peut-être. J'espère. D'accord. Êtes-vous artiste? Plus ou moins. Ça dépend des fois. D'accord. Quand vous êtes des fois artiste, est-ce que vous êtes artiste quoi? Artiste, artiste ou... Mais non, toi. Est-ce que vous êtes artiste chanteuse? Je chante faux, mais je chante quand même, ça compte? Oui, ça compte. Ouais, mais pas pour faire des disques. Quoi qu'il y a des mecs qui chantent faux, ils font des disques. Ah oui, ils font même des carrières. Hein. Est-ce que vous êtes connu pour une partie chanson, donc pas chanson? Non. Non. Actrice? Non. Ok, Miko, sors-toi ça de la tête. Je vois quoi tu pensais, russe, artiste. Non, non, non, je sais qui c'est. Non, je sais qui c'est, moi. D'accord. Il en reste vite 98. Le public a trouvé, hein. Vous avez trouvé? On a tous trouvé là. C'est facile encore. Ouais, c'est facile. Ah, oui. C'est d'actualité, Coco. En ce moment. C'est d'actualité, Coco. Actu. Actu de ouf. Et toi, tu vas être content. Tu vas être content de l'avoir au téléphone. Actu de ouf. Mais oui. Ah oui, alors là, moi, ce jeu-là, je suis très mauvais. Remonte à une semaine. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Le week-end dernier. Le week-end dernier. Exact. Un peu moins d'une semaine quand même. Jean-Pierre Foucault. Un petit peu moins. Jean-Pierre Foucault. Je sais plus. Mais t'es sérieux? Je comprends rien à ce que vous me dites. Jean-Pierre Foucault. Attendez, allez-y doucement. La France. Sérieux, Coco, oui. Tu me déçois, là. Femme, France. Magnifique. Ah, mais non. Ah bah oui. Super, super belle. Mais donc, c'est pas du tout un accent des pays de l'Est. Mais non, pas du tout. Ah, mais je suis de l'autre côté, même, là. Ah, oui, je suis de l'autre côté, plus en bas. Du monde, là. Ah, mais non, mais c'est la Miss France. Oui. C'est Vaille Malache avec. Alors, attends, faut pas se tromper dans les prénoms, parce qu'à chaque fois que... Vaille, c'est plus facile. Alors, c'est vrai, c'est vous, mademoiselle? Oui, c'est moi. Oh, bah, applaudissez-la. Vous savez pourquoi? C'est la famille. Parce que je suis parti dans l'idée de Pays de l'Est. J'essayais de savoir qui je connaissais. Enfin voilà, c'est mauvais. Mais mauvais. Pourquoi les Pays de l'Est? Parce que vous avez. Parce que les Pays de l'Est. Mais vous avez. Mais oui, regarde Tino Rossi tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Tino Rossi. Il y a. Oh là là. Eh ben vous savez, mademoiselle, on va se dire tu déjà. Vaille. Vaille. Et je disais beaucoup de bien de toi et j'en disais beaucoup de bien de toi tout à l'heure dans le bureau hors oui, antenne. C'est vrai. C'était sa préférée. En disant que. Non, vraiment. Mais depuis le début, on a eu toutes les photos devant le nez. Alors après, on n'a pas eu plus, mais on te trouvait déjà magnifique. J'étais pas le seul. Hein. Beaucoup de la presse globale trouvait déjà que Miss Tahiti était très belle. Je te trouvais très belle. Je la trouve très intelligente, cette demoiselle. Elle sait très bien parler. Elle roule les airs. Bon, c'est rigolo. C'est normal. Mais, c'est rigolo. Et je trouvais que je suis très content de cette Miss. D'abord, je trouve que c'est rendre hommage à Tahiti. À la Polynésie. Voilà, à la Polynésie au général. Et puis, je trouve que c'est un très bon choix de la part des téléspectateurs parce que elle a l'air, je la connais pas, mais elle a l'air adorable et belle. On l'a vu. Oh, c'est gentil. Mais intelligente. Merci beaucoup. Ah, bon, on le saura bientôt, j'espère. Et normalement, début janvier. Donc, mais parce qu'il paraît que tu vas à Tahiti dans les jours qui viennent, là, tu repars dans la famille. Oui, je vais demain. Demain. Demain, donc tu y es demain et dans l'avion encore après-demain et après-après-demain. Il y a quoi? Dans le temps, du coup, j'arrive demain soir. Mais il y a combien toi? C'est 20 heures d'avion, 21 heures? 23. 20 heures avec 4 heures de transit, c'est ça. Ah ouais. Ah, sacré transit. Dors, cet accent. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal. Et donc, et ben alors, tu vas. Y a qui, elle était pas mal. Y a qui dans la famille? Tu vas aller rejoindre qui? Papa, maman, y a qui? Non, papa et maman, ils sont là. Je vais rejoindre papi et mamie. D'accord. Ah, ouais. Eh ben tu leur feras un gros bisou pour nous. Alors et encore une fois, eh ben moi je t'invite. Nous serons de retour ici le 3 janvier. Dès que tu reviens à la métropole, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Vraiment. Et alors je te promets un truc. Je ne te ferai pas jouer de guitare ni du ukulélé parce que j'ai vu qu'à chaque fois qu'elle fait une émission, on lui colle ou une guitare ou un ukulélé et que je pense qu'on a. Parce que je maîtrise le mieux en fait. Oui, mais je pense qu'on va peut-être pas te demander systématiquement de le faire, d'accord. Donc. Non, je sais pas jouer de la flûte. Eh bien, écoute. Eh bien, ça tombe bien. Non. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup. Bonne fête à toi. C'était Miss France qui est avec nous. Et je te demande d'embrasser toute ta famille à Tahiti et tout le monde pour moi, d'accord? Merci à vous aussi. À bientôt. Gros bisous. Bisous. C'était une jolie surprise. Effectivement, je ne suis pas parti dans la bonne direction. Nous finissons l'émission à 653 922. Mais non! Allez, mais non! Déshabille-toi! Je me déshabille! Je me déshabille! Je me tripoterai le bananier! Mais c'est déjà beaucoup! Enfin! Ça avait perdu un. On ne peut pas terminer sur ce moment. Il y a 80 personnes sur Instagram. Allô, finalement. Coé officiel. Il reste 80 personnes. Coé officiel sur Instagram. On se donne encore 20 secondes. Le temps de vous souhaiter une très belle soirée, les amis. De vous dire que demain, avec nous, il y a celle qui sera là, qui s'appelle Rita Ora, qui viendra nous faire un bisou. Autre belle femme, c'est la semaine des très belles femmes. Vite, on en a pris 20 d'un coup. Ouais. On le passera dans quelques minutes. Et vendredi, Jennifer! Yeah. Roger, merci hein, pour le sondage que vous avez lu comme, divertissement, divertissement de l'année. Et le talk show de soir de ce sondage, c'est Aymeric et toute l'équipe du Rico Show. Ça va les amis? Ça roule. Ça va, vous êtes en forme, bravo à vous aussi. Ah bah bravo à vous, moi j'ai posé mon follow sur Instagram, ça y est. Non mais ça. Les amis, tu l'as posé, ça se voit. 900, il est à 977, il en reste. Oh bah, ah bah c'est bon, c'est bon. Hey, ça y est, Coé officiel, on y va. Allez, ça y est, je vois, ça y est. Je vois que tu viens de le poser, on a passé les 654. Ah bah voilà. Bravo, bravo, bravo. J'ai vu le bananier. J'ai vu le tien passer, donc je rentre à la maison et je me secoue le bananier quand même. Coé, oui. T'as vu la comparaison que j'ai dite à l'issue, évidemment, eh bien, du sondage de Radio Note. J'ai dit que t'étais Zizou. Et nous, on essaye d'être Mbappé dans notre coin. Ouais. Alors, en coupe de cheveux, je tiens. Non, t'es un meneur, tu dis style à gauche, à droite, premier sur la Miss France. Je vous embrasse, bonne soirée à vous, les amis. Bisous. On revient demain, 17h. Merci à vous, bonne soirée. Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. On va se faire plein de trucs ce soir, on va se régaler, vous le savez, à l'approche des fêtes, on est très famille. Et du coup, vous allez voir, il va y avoir un papa qui a besoin de discuter avec sa fille. Il prendra l'antenne d'énergie pour lui dire quelque chose de dingue à l'approche des fêtes. Le Tinder de la peur arrive, ça c'est... C'est plutôt moins dans l'émotion, quoi, hein, puisque Sylvain va recevoir sa prétendante. Et à la télévision, évidemment, elle va découvrir qui est recherché. Ça va être énorme. On va se faire que du kiff. Et je vous le dis tout de suite, 45% des Français ont cette envie commune à l'approche de Noël. On a tous envie, en tout cas une personne sur deux, de cela. On va en discuter. Ça va, Sarah? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Ouh là là, t'es en forme ce soir. On va élire, tiens, la meilleure personne de l'équipe. Hein, fin de semestre, c'est vous qui allez décider. Est-ce que tu penses que tu peux concourir? Mais c'est même pas je pense. C'est que je gagne, Rico, ah tu oui. sais très bien. En plus, elle a pas mis de soutif aujourd'hui, elle veut gagner. Ça va le tombeur? Bah écoute, en pleine forme. Où le soir. Tinder arrive? Eh oui. Eh, aujourd'hui, je suis peintre. Ah non, pas en bâtiment. Non. Pas en bâtiment. En quoi? Peintre artiste. Ah d'accord, artiste, ça change. Artiste peintre. Ça change. J'imagine l'état du pinceau. Évidemment. Ça va, JM? Écoute, ça va. J'ai préparé mon discours aussi, hein, le micro d'or, tout ça, les lectures et tout. Et bravo pour les radionotes. Hein, ah bravo oui. à tout le monde. On va en parler dans quelques minutes. Grâce à vous, nous sommes la meilleure émission le soir. C'est vous qui avez fait ces votes-là. Et franchement, ça nous touche très très fort. Je vous en parle dans 10 minutes. On va se faire un gros truc dessus. Ok, les amis? Yes. Ouais. Tiens, 45% des Français ont cette envie, Sarah. Bah, je sais pas, l'envie de prendre des nouvelle bonne résolution pour la 10e année. Non, non, pas du tout. J'aime. Partir au soleil alors qu'il fait froid ici. Ah, c'est vrai. Mais ça coûte cher. Ah ouais, c'est ça le problème. Tu fais 3 consultations sur les sites, ça calme. Ouais. Sylvain. Bouffer de la dinde. Ah oui. Bah ah oui, c'est la période. Oui, bah avec toi, c'est un peu toute l'année. Hein. Allez, les amis, on en parle. Angel, tout oublié. On est là sur Énergie jusqu'à 23h. Vous venez 0870 40 de 48. Je vous le dis. Cette histoire se passe sous la couette. Ouf. Mais même toi, Sarah, t'es concernée. Alors que pour l'instant, la couette n'a pas trop frétillé. L'année se termine, hein. Falloir s'y filer, Sarah. T'inquiète pas. On est là jusqu'à 23h avec vous. C'est votre émission. Il n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu. Tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. On va se faire un canular de dingue autour de la tronçonneuse, mais là, c'est le bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico ? C'est dingue. Ah, dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui, les amis, vous dites tronçonneuse. Vous allez voir, complètement ouf, les amis, avec les annonces de Rico. On va reconstituer des faits autour d'une tronçonneuse. Donc, on aura un gars au téléphone et on va lui demander d'activer sa tronçonneuse. Non, mais c'est pas des conneries, c'est ouf. Mais le bail du jour, les amis, pendant les fêtes, 45% des Français ont cette envie commune. Laquelle ? Eh bien, d'avoir des enfants. Hein, c'est à ce moment que ça vous prend. Oui, parce qu'il y a les repas, vous avez les remarques potages, t'arrives en couple, alors, quand est-ce que je suis tata, quand est-ce que je suis grand-mère, vous avez envie de vous y filer. Il y a aussi les films à l'eau de rose, tu les vois, les gamins, ils sont sympas, ils mouffent pas, ils se lèvent pas la nuit. Ouais. Oh non, mais c'est vrai. Ils sont là, ils sont gentils, tu leur dis tais-toi, ils se taisent. Ils sont là, ils sont aimables, ils te disent que t'es beau, que tu sens bon. Oui. Non, mais t'as envie. Oui, c'est la magie de Noël, et en plus, il fait froid dehors, on a envie de se réchauffer, tu vois. Oui. Tu l'as dit, c'est la magie. Sylvain. Ah, mais c'est de là que l'expression, elle vient. Ouais. Le petit Jésus dans la crèche. Exactement. Ah, c'est ça. T'aurais dit rester un peu plus longtemps à la crèche. Ça aurait fait du bien vraiment à tout le monde, JM. Mais je comprends tout à fait. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis né en septembre. Non. J'ai compris que c'était. Ouais. Eh oui, bah oui, eh oui, puisqu'en fin de compte, vous faites l'amour du coup parce que vous êtes motivé, élan de générosité, tac-tac, ça se pratique. Et puis, vous naissez. Moi, je suis né aussi en septembre. Eh ben voilà. Et les pics arrivent fin septembre, en fait. C'est lié à cette période des fêtes où tout le monde se met à concevoir. Et puis, il faut le digérer, le repas de Noël, je peux te le dire. Ah oui, et puis toi, t'es pas né en septembre. Non. Naissance était préméditée, c'est bien là le problème. Non mais lui sa naissance c'est en avril, c'est un poisson d'avril. C'est ça. Il est né le premier d'ailleurs. Hein. Il est bon mon JM. D'ailleurs il y a Liliane qui elle aussi a conçu son enfant comme ça pendant les fêtes. Ah ouais. A priori ça peut vous prendre. Sarah, toi ça t'a pris pendant les fêtes ? Alors non. Ah si, je crois que c'était. Non, c'était pas pendant les fêtes, presque. Ouais. Il est né quand ton gosse ? Il est né fin novembre. Oh la merde. Ah, c'était pour la Saint-Valentin alors. Bah oui, fin novembre. Oui, pendant les fêtes. Je dis qu'il y a un pic fin septembre, elle sort fin novembre. On va accueillir une vraie maman qui a conçu justement à cette période, c'est Liliane. Ça va Liliane ? Oui, coucou l'équipe, coucou Rico. Salut Liliane. Merci d'être là ma Liliane. Alors t'as conçu ton enfant pendant une période de Noël. Ça t'a donné envie, un élan comme ça ou c'était réfléchi ? Non, en fait c'est parce qu'en fait j'ai trois enfants, donc j'en ai deux qui sont nés, qui ont été conçus pendant les fêtes. Donc un qui est né au mois d'août et l'autre qui est né carrément le 31. C'est vrai ? Et moi je suis dans septembre aussi, hein, pour l'anecdote. Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais. Ah, tout le monde fait l'amour sous la couette avec la coupe de champagne. Et avec moi, mes enfants, voilà, ils voulaient une petite sœur, un petit frère, et puis bon, voilà, le froid, voilà, et puis voilà. Et puis il paraît aussi, Liliane, que évidemment, le sperme du papa est de meilleure qualité à cette période. Mais oui, c'est pour ça qu'on congèle les spermatozoïdes des fois. Ouais, il paraît que c'est de meilleure qualité, du coup, en fait, ça apporte une meilleure réponse aux ovules, et bam, les enfants naissent. Ouais, le froid, c'est vrai que vous avez un sperme de qualité. C'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. D'ailleurs, au pôle Nord, c'est. Ouais, Ça y va. Les gars, je t'ai dit, ça tombe. Hein. Le Père Noël, il a plein de petits lutins. Il peut pas. Et il doit sortir le chocolat en plus. Ah bah là, avec les crottes en chocolat et tout. Ah, merci. Bouffe, là. Merci. Vous savez, il est là pour les quotas. Ah, vraiment, n'en tenez pas rigueur. C'est sa seconde, mais elle nous permet de toucher des ailes. Merci d'être là, bon Sylvain. Et Liliane, du coup, on va recommencer cette année ou pas ? Ah non, non, 3 c'est bon, stop. Tu m'étonnes. Elle voit arriver les fêtes, tu sais, ferme les yeux, elle est dans le déni. Non, c'est pas Noël, c'est pas Noël. Philippe va encore m'attraper. Elle déménage, tu sais. Non, non, bah là, je comprends l'angoisse. Et ça coûte un bras, t'imagines, 3 gosses. Ah ouais, puis le Noël d'après, tu comprends au pied du sapin. Il faut assumer au moment de rentrer chez Jouer Club. Bon, t'embrasses, Liliane. Comment on dit, petit souci, grand souci. Ah bah ouais, je peux te dire que quand tu passes au rayon et que tu vois les préservatifs, tu les regardes hein, avec émotion. Tu te dis, j'ai déconné. C'est bien d'avoir des gamins. Et d'ailleurs, on va faire un cadeau à tous tes enfants, ma Liliane, d'accord? Je te fais plein de bisous. Je vous remercie, puis bonne fête à toute l'équipe et joyeux Noël et à bientôt. À bientôt, ma Liliane d'amour. Plein de bisous, les amis. Faites des gosses, c'est Noël. C'est belle maman qui va être contente. Allez, les amis, on se fait cet appel autour de la tronçonneuse. Ouais. Allez, c'est parti, on va se faire le canure. Sarah, t'as eu un monsieur et tu lui as dit quoi? Alors, en fait, j'ai trouvé une tronçonneuse suspecte à vendre sur le Bon Coin et j'ai appelé ce mec et je lui ai dit que l'inspecteur Latour allait l'appeler pour reconstituer une scène de crime téléphonique. Très bien. Autour de la tronçonneuse, il y a eu des choses qui ont été dites. Je veux savoir si c'est sa voix ou pas. On y va, on appelle, c'est parti. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question, Glandu, non? Non, j'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais? Ah ouais. Dis donc. Après, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre compil Energy Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, DJ Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vitae Slimane, Dua Lipa, Maître Gims, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Energy Hit 2019, vendredi dans les bacs. Energy. Dans une cave. Elle a débarqué il y a un peu moins de 2 ans sur Énergie. Et grâce à vous, le Rico Show a été élu meilleure émission de l'année. Le soir, en France. Vous avez été des milliers à voter, à vous mobiliser pour faire gagner votre émission préférée. Merci à tous. Merci les amis. Merci beaucoup. Grâce à vous, on a appris aujourd'hui que nous étions la meilleure émission du soir sur Radio Note, équivalent des Energy Music Awards de la radio. Merci à vous. Franchement, c'est un trophée qui nous fait tant plaisir. Ouais, merci vraiment à tous de vous être mobilisés. Voilà, j'ai pas les mots, j'ai le potard dans la bouche. Franchement, ça fait plaisir. Merci les copains. On va vous faire kiffer aujourd'hui. On va vous donner le meilleur. Il y a pas mal de news. On aura un papa qui va prendre l'antenne d'Energy pour faire une déclaration à sa fille, mais quelque chose, franchement, qui vient du fond du cœur. Il est voilà, il est arrivé dans la rue. C'est complètement ouf. Hein. Il était à la rue et aujourd'hui il a décidé de se reconstruire. Vous allez voir, c'est magnifique. On va se faire aussi le Tinder de la peur avec Sylvain dans une demi-heure. Mais là c'est le Canyour. Sarah, il y a une histoire de tronçonneuse et d'ailleurs Monsieur Latour veut faire le point parce que la tronçonneuse a servi lors d'une manif. Il y a eu un incident. Alors Monsieur, vous allez activer la tronçonneuse et parler. Vous répétez justement les faits reprochés. C'est ça. Et j'ai appelé le gars cet après-midi. Alors dis-toi que là à l'heure actuelle il attend ton coup de fil. Il est à côté de sa tronçonneuse. D'accord. Il est prêt. Prêt. Prêt à tout. À répéter ce que je vais lui dire pour se disculper. Parce c'est que pour ça. L'instant, je crois que c'est lui, c'est le même modèle. On y va, c'est parti. C'est le canular du jour. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur Énergie. C'est un appel à couper, ça. Couper le souffle. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Latour à l'appareil. Oui. Je vous appelle par rapport à votre tronçonneuse. Vous l'avez avec vous? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez la démarrer déjà, s'il vous plaît? Ouais. Allez-y. Bon, je vais ouvrir le garage parce que. Bon, d'accord, pas de souci. C'est gentil. Ouais, je vais poser mon portable parce qu'il faut demain pour la démarrer. Très bien, vous mettez le haut-parleur, hein, sinon, comme ça, il n'y a pas de souci. Attendez. Très bien. Vous allez dire, toi je t'aurai. Toi je t'aurai. Tu l'emporteras pas au paradis, crois-moi, allez-y. C'est une honte ce que vous faites, allez-y. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. J'en ai plein le cul de vos histoires. Ça se passera pas comme ça, croyez-moi. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les voisins, monsieur. Bon, très bien. Bon, j'ai fait les vérifications. Vous allez devoir me dire encore un petit paragraphe et je pense qu'on va pouvoir vous disculper pour cette fois. D'accord? Donc vous. Non, mais de toute façon, je ne sais pas ce qui a eu lieu d'être avec cette personne parce que vous dites que cette personne a tendu cette tronçonneuse en l'air. D'accord. Oui, exactement. Ouais, je vais vous dire, moi j'ai une tronçonneuse dans les mains qui fait à peu près 8 kilos. Alors d'accord. Si la personne a levé cette tronçonneuse de 8 kilos à bras tendus en accélérant, je veux dire, c'est musculaire. Hein. Est-ce que vous pouvez terminer en disant j'en ai plein le cul? Je sais que je ne couche plus avec ma femme, mais je t'aurai. Je sais que je ne couche plus avec ma femme, mais c'est pas une raison pour te la taper. Très bien, et là vous mettez un gros coup de tronçonneuse et c'est terminé. Vous tronçonnez. Allez-y, allez-y, ça tronçonne. C'est bon, allez. C'est bon, je pense que j'en ai assez. Hein. Très bien. Bon, on vous disculpe. Merci, monsieur, hein. C'est bon. Vous pouvez venir chez moi, il n'y a pas de souci, monsieur. J'ai ma conscience tranquille. Très bien, merci, au revoir. Ouais. Oh, vous disculpe, il a rien fait le gars. Le gars est persuadé, les amis, c'est un truc de ouf. Hein. Mais c'est lunaire ce canular. On va parler de toutes les news de la journée. Il y a du lourd, les amis, du très très lourd. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute. minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. C'est les news de Rico sur Énergie. Il y a du très très lourd, les amis, pour vous faire kiffer. Merci d'être là. Hashtag Rico Show sur Énergie. Rico Énergie sur Snap, les amis. On va kiffer. Le Tinder de la peur arrive avec Sylvain qui est peintre. Et croyez-moi, on va se régaler. Sarah, elle est plein. Je le sens. Tu m'as fait moucher oh pendant une heure. Mais t'es un malade. On dirait un canard d'affidèle. C'est de faire appeler tes ex. Oh, c'est gentil, ouais. Ça. C'est gentil, Sarah. Sarah, si tu veux sortir avec moi, demande-le. Non, mais ça ne me aller. Fais pas l'affront de me punir comme ça en direct. Non, j'irai voir ta maman directement, à l'ancienne. D'accord. Ah bah c'est gentil. Voilà. Fais gaffe, elle est occupée avec Sylvain. Sonne avant. Elle est souvent avec lui. Les amis, il y a du très très lourd et notamment le piège du jour. Vous savez, avec les gilets jaunes et tout, vous êtes de plus en plus à commander sur Internet. Ouais. D'ailleurs, nous, on a en bas un petit couturier. Je vous le dis, sa boutique, elle fait 1 mètre sur 2. Il y a une queue comme à Disney. Ah oui. Tout le monde va chercher son colis, mais c'est l'horreur. Et en plus, il paraît que c'est compliqué. Il y a des merdes avec les livraisons. Vous recevez pas tout. Les facteurs, ils montent pas, évidemment. C'est une galère monstre. Oh là là, ouais, non, mais moi, il y a pas longtemps, j'ai commandé un colis pour mon petit, ouais. Pour mon fils, quoi, ouais. Liam. Et en fait, j'ai commandé des Adidas et j'ai reçu des Habibas. C'est sûr, c'est pas blague. Sur ma vie, je te jure, je l'ai payé 80 euros. Encore un coup de ton père. Encore un coup de JM. Ouais, dernière fois, le facteur, c'est parce qu'il a fait. Il avait un colis, cet enfoiré. Ouais. Il a mis sous le paillasson. Genre, la personne, elle passe, elle va le voir, elle va me le voler, couillon. Eh ben, exactement. Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a tellement de colis qu'ils te la laissent devant la porte. Ouais, d'accord, ils s'en foutent, ouais, devant la baraque. Et le grand jeu, c'est que les gens piquent du coup les colis à l'approche de Noël. Et il y a un YouTuber. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a piégé un des colis. Il a mis des paillettes. Et en fait, les types, à peine ils touchaient le colis, bam, c'est il était déguisé comme des des drag queens. J'adore, mais ça fait plaisir, ça va pas les faire fuir, écoute, ça. Hein. Ah bah écoute, hein, franchement, c'est du bonheur. Si Sylvain pouvait faire pareil lorsqu'il pète, si elle pouvait faire des paillettes, ce serait le bonheur pour tout le monde. Et puis les amis, autre info qui est tombée aujourd'hui. Je vous le dis, on passe 49 minutes par jour à se disputer en famille. Voilà, ça tombe, les fêtes arrivent, vous allez être en famille, ce chiffre va grossir, on ne fait que se disputer, mon Sylvain. Non, moi je pensais aux toilettes, parce qu'il y en a beaucoup qui restent aux toilettes. Ah oui, non, c'est pas ça du tout, c'est la dispute. C'est vrai, moi je me dispute beaucoup avec mon papa en ce moment, comme vous le savez. C'est pas vrai. À propos d'une sombre histoire d'escroquerie. Ouais, il nous a escroqué au resto couscous, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire vendredi lors d'un repas de Noël, il nous a étrié. Le problème, c'est qu'il y a les repas de Noël, tout ça, tu arroses un peu, tu bois un peu le rouge, le rosé, le ciel-là, et à la fin, ça parle politique et ça s'engueule. Tout le temps. Il y a les vieux démons, tu sais, tu te rappelles avec Janine. Il y a 20 ans, je te l'ai pas dit. Et surtout pour les cadeaux. Pourquoi tu m'as offert ça? J'ai un moins bien cadeau que toi. Moi, avec mon petit frère, c'est la guerre tous les ans. Vous êtes toujours sur l'oseille dans votre famille. C'est insupportable. En plus, avec le petit frère, c'est-à-dire que les cadeaux n'ont aucun rapport. Trouve-toi, tu voulais une dinette, là, tu voulais un action man, rien à voir. Mais non, mais je te parle maintenant qu'on est adulte. Arrête. On s'embrouille de dingue, vraiment. Ça va. Tu sais, ils prennent les boîtes et ils le passent, tu sais, au détecteur. Si au magasin, pour le prix. Ils passent le truc, ils le scannent. Il y a Mehdi qui a fait le 0870 40 42 48. Ça va, Mehdi? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut mon poulet, tu t'embrouilles toi avec ta famille là à l'approche des fêtes? Ah moi c'est avec mon frère hein, de fou hein. C'est comme, pas vrai. Ah pour Noël. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il avait des plus gros cadeaux que moi. Il a toujours été privilégié et chaque fois ça part en live. Écoute, et quand j'étais petit, je vais casser son cadeau hein, pour vous dire. Mehdi, si tu veux régler les problèmes avec ta sœur Sarah, tu vas pas nous emmerder à l'antenne. Les amis, il y a du très très lourd. Mehdi, tu restes avec nous, mon petit poulet. Et puis, on va parler d'une info complètement ouf au niveau de l'intelligence. Ouh. Lorsque vous ratez quelque chose, ça signifie que vous êtes intelligent. Vous allez voir, ça va rassurer une paire d'oreilles. On y va, Drake sur NRJ. Et puis, Sylvain va filer. Il va tinder ce soir. Il est peintre. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, dile que tú eres mía. Está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. jusqu'à 23h, c'est un vrai bonheur. Le Tinder arrive, on est en train de se régaler, on fait les news. Mehdi a fait le 0870 42 48. Vous pouvez venir, hein, vous amuser. Mon Mehdi, est-ce que tu fais des bonnes actions un petit peu, mon poulet? Bah ouais. C'est, bah, j'essaye. Donc là, dernièrement, j'ai rencontré un sans domicile fixe dans la rue et je l'invite au McDo pour manger. C'est beau. C'est beau, mais si chacun faisait. McDo, donc je lui dis viens au McDo avec moi, je vais te payer à manger et on a mangé ensemble. Tain, c'est beau, mais c'est vrai que si chacun fait une bonne action auprès de quelqu'un qui souffre, ça irait beaucoup mieux vrai. Parce qu'on se dit souvent voilà, il est en galère, je suis en galère, je la fais pas, mais si tout le monde l'a fait. Moi je fais ça tous les jours avec Sylvain. Hein. C'est vrai. Et moi depuis 4 ans. Il est au top. Là, la bonne action du jour, les amis, c'est les élèves américains qui offrent un cadeau à leur prof qui passera Noël seul. Elle a fait une confidence, elle a dit voilà. Moi j'ai plus de proches autour de moi, j'ai plus personne et Noël ça me réveille un petit peu ça. C'est pour ça que nous on a décidé notamment de faire le nouvel an avec vous pendant 10 heures, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller s'amuser, etc. Des fois il y a des périodes un peu compliquées. Et puis elle a découvert que ses élèves touchés par la confidence avaient préparé en fait un cadeau pour lui faire passer son Noël avec du monde. Et elle a découvert sur son bureau plein de petits paquets. C'était sympa. Ouais, vous voulez juste gratter du cadeau. Mais non. Attends, j'ai des bonnes notes, je pense. Mais t'es sérieux? Mais la blague. Je la vois venir. Attends, elle va se confier à des pauvres mômes qui n'ont rien demandé. Déjà, normalement, elle leur dit pas c'est la prof. Ouais. C'était pour gratter du cadeau. Mais non. Ils se sont cotisés. Elle avait des larmes qui étaient chaudes, qui étaient impeccables. Ouais. Sylvain s'est douché sous les larmes. Il en a profité. Mais c'est des lèche-bols, ça. Attends, ils voulaient tous des bonnes notes. Ah, mais c'était tous des GM. Mais t'as vu comme ils sont? Ça a décollé. C'est pas tout rose pour tout le monde, les fêtes de Noël. Ils sont en galère, pêcheur. Imagine, il faut un cadeau en plus. Ah ouais. Et lui, vous l'aurez préféré garder les cadeaux pour lui, Sylvain. Attends, moi je t'explique. Si je lui offre un cadeau à la prof que j'ai une note en dessous de 10, ça va gueuler. Ça. Hein. Là, oui, pardon. C'est-à-dire que derrière, c'est plus pareil, n'est-ce pas, mon Mehdi? Attends, franchement, derrière, t'attends un retour. Ah, je le reprends, moi, le cadeau. Ah oui? Ah, je le reprends. Ah oui? En dessous de 10, je le reprends. Autant ne pas l'offrir. Parce que lui, à la maison, quand il avait plus de 10, ils arrivaient, ça tapait des mains. Hein. La mère faisait un cassoulet. Hein, elle sortait. Ah ouais, oui. Je peux te dire, c'était le grand kiff. Allez, Zabi, news suivante. Rater son permis rend les gens plus intelligents. Bon. Je vous le dis, c'est un signe d'intelligence. Il ne rend pas plus intelligent, mais en tout cas, c'est un signe d'intelligence. Rater son permis signifie que vous êtes trop intelligent pour comprendre ces conneries de code de la route. Mais arrête, je l'ai eu avec les honneurs. Moi, je me rappelle, je crois, 28 sur 30. Est-ce que tu te sens très intelligente? C'est une teubée. Regarde Sylvain, t'as eu ton permis? Bah non, j'ai passé 10 fois. J'ai pas eu... Voilà. Allez, la news vient de tomber à l'eau. Non, mais c'est vrai, moi je l'ai eu du premier coup. Bah moi aussi. Direct, quoi, JM. Deuxième coup. Ouais, c'est peut-être le plus intelligent parmi nous. Ouais, mais jamais, c'est juste parce que les lunettes, c'est tout. Ouais, ouais, c'est vrai que les lunettes, ils sont pour beaucoup. Mais évidemment, mais j'ai un bac plus 5. Quoi. Arrêtez de me décrédibiliser, ouais, c'est fort, il a un bac plus 5, ça fait 8 ans qu'il fait la radio, il a 20 ans. Mais c'est vrai. Il a dû redonner des cadeaux au prof, hein, je peux te dire. Ah, lui, elles avaient le Ferrero à chaque classe. Ouais. Le prof d'anglais avait des Pyrénéens, chacun avait ses trucs parce qu'il alternait, il fallait pas faire le même cadeau. Bien sûr. Ça aurait été mal vu. Le faillot de la bande, JM. Mais dis, toi, t'as passé ton permis combien de fois? 2 fois. D'accord, tu es donc intelligent. C'est la première fois que les gars sont contents de dire, les amis, qu'ils ont raté leur permis. Tu vois, ça va redonner du baume au cœur. Et puis on va parler d'un truc complètement fou là. Franchement, j'ai eu les poils. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding. see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui les amis, le Tinder de la peur arrive. Sylvain est chaud, il est peintre. Je peux vous dire que le pinceau va s'agiter. Non mais ça va être énorme. Les amis, il faut que je vous parle de la boulette du jour. En fait, il y a un destinataire voilà, qui a reçu un plan d'évasion de prison. En fait, le prisonnier s'est planté. Il avait prévu de faire péter son mur de prison pour sortir. Et il pensait l'envoyer à son pote. Mais ce con, il était capable de mettre un stratagème de fou en place, mais pas capable de trouver le bon destinataire. Du coup, le gars a reçu ça, il a appelé les autorités. Il a dit, les gars, il y a une histoire de dingue là. Il y a un gars qui veut faire péter une prison, il m'a tout envoyé ce con. Apparemment il est cellule 320, il va la faire péter demain. Évidemment ça a échoué. C'est peu comme si le mec de Prison Break il se tatouait les mauvais murs de la prison. Exactement. C'est ça. Ou s'il tatouait sur le gardien de prison. Viens, je vais tatouer l'histoire. Non mais c'est une histoire horrible. Complètement folle. Moi ça m'est déjà arrivé, bon pas pour la prison, mais en fait un jour j'ai reçu. C'est autre chose en prison. J'ai reçu un SMS sulfureux. D'accord. D'un mec, mais genre message de dingue en mode sexe et tout. Ah ouais, et mon mec est tombé dessus, mais c'était une erreur de destinataire. Oh, il a cru que je le trompais. Oh, impossible de me dépatouiller de cette histoire. Des années après, elle essaye de se justifier. C'est pas parce que ça passe par la radio qu'il va être convaincu. T'es cocu, Mehdi. Je t'ai vu, t'as des cornes, mais écoute-moi, depuis le père de Bambi, j'avais pas vu mais ça. Mais tu sais quoi, souhaite-lui son anniversaire au lieu d'être méchant. Amir, c'est ton anniversaire c'est aujourd'hui. C'est vrai que c'est son anniversaire et en plus, Sarah, en venant, m'a dit, j'ai oublié son anniversaire. Très belle preuve d'amour. Elle m'a dit, écoute, à minuit 30, il m'a dit, on est quel jour? Elle a cité tous les jours. On fait quoi? En quoi machin? Elle a tout sorti. Elle croyait que c'était la Saint-Glinglin. Elle a même dit la Saint-Valentin avant de dire, c'est ton anniversaire. Son couple est en forme. Vraiment, hâte de voir 2019. Tout va bien. On va se régaler. Elle se rappelle même pas de la date de naissance de son gosse. D'accord, merci. Merci, Dieu. Merci d'être là. En tout cas, tu lui as toujours pas souhaité bon anniversaire à son gosse. Bon anniversaire, Mehdi. D'ailleurs, il est là avec nous puisque Mehdi a fait 0870-42-48. Mehdi, ça se passe comment avec Sarah? Ça se passe très bien, non? Ça se passe très bien. Ah, merci. Tout se passe au mieux. Bah, il y a usurpation d'identité. Hein. T'as l'air trop viril, Mehdi, ça passe pas. Mais t'es malade ou quoi, toi? Mais les fous, excuse-toi. Mais non, on t'aime, Mehdi, on t'aime. Oui. Bravo pour le tutu de ce week-end. T'as l'air à ravir. Tiens, un métier que ne pourra jamais faire, Sylvain. Les amis, traducteur de bébé. Ah bah, tiens, toi aussi, hein, t'es pas mal. Hein. Excuse-moi, il y avait écrit traductrice, j'ai fourché. Ça, c'est Dieu qui m'a puni. Ah, tiens, envoyé une châtaigne. Le karma. Ah, le karma, là. Avec toi, il est bien présent, hein, franchement. Alors, je vous explique. En fait, si votre bébé a du mal à s'alimenter, à parler, encore un métier qui va vous coûter bonbon, pas grand chose. Il y a des gens qui aujourd'hui arrivent et sont capables de dire, voilà, moi je suis traducteur de gosses et de bébés, je peux vous dire ce qu'il a, Sarah. C'est des usurpateurs. Par contre, il y a une application qui existe et qui traduit le langage des bébés. C'est pas vrai. Je te jure. Et ça t'y crois par contre. Ah ouais. Bah oui. La semaine dernière, il a dit à Sarah, mère indigne. Paye un peu. Tu vas hacker. Ah, vous êtes des ouf. En parlant justement de bébé, il y a une news aussi qui est tombée. Il y a une nana qui était enceinte. Franchement. Ouais. Mehdi, t'as des enfants toi ou pas, mon Mehdi? J'ai un petit garçon. Ah, t'as un petit garçon. Ah, bah, avec Sarah. Écoute, on va lui faire un petit cadeau. Avec Sarah, du coup. C'est vrai. Ouais. Sarah, t'as un petit mec. Un petit garçon. Est-ce qu'il a une moustache déjà, Mehdi? Franchement, je rigole même pas. Parce que celui de Sarah, il a 3 ans, il va chez le barbier. Il est malade, lui. Baby barber. Ah, bah, je peux te dire, là, Ménem, ils sont dessus, ils vont pas le lâcher. Dès qu'il aura l'âge de faire du pognon, il va faire de la pub. Hein. Oh, il a fait 3 lames. Ah, ouais. Oh, là, lui, il se le prépare quand ils vont sortir les 5 lames. Arrêtez, mon fils, il vous met à l'amende. On l'appelle 3 liames. Oh, non. Franchement, je trouve que t'as dépassé les bornes. Arrêtez, carton rouge, c'est ça. Franchement, en plus, toi, t'aimes pas quand on parle de ta famille. Moi, ça, mon fils, c'est toute ma vie. Je l'embrasse très fort et ça va. Il faut que j'en. Sarah, le nouveau rasoir pour Noël, c'est pour moi. Merci. Pour moi, c'est cadeau. Les amis, en parlant justement des bébés, je suis tombé sur un truc de ouf. Il y a une meuf qui était enceinte depuis 9 mois, mais avec un ventre plat. C'est pas une vanne. Alors, on connaît le déni. Effectivement, lorsqu'on est enceinte et on veut pas croire. Et la nana, en fait, elle avait un ventre plat. Il y a les photos avant, après, on va vous les mettre sur les réseaux. Mais elle avait un ventre plat. Elle faisait du sport, elle bougeait, elle allait au sport. Et en fait, pour elle, elle avait pas ses règles à cause de son moyen contraceptif. Bah, comme Chérif Alouna, c'est ce qu'elle a eu. Au bout de 7 mois et demi, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle faisait du sport, de la danse. C'était à l'époque de Popstar. Donc, elle sortait en soirée et tout. Mmh. Et elle a découvert 2 mois avant d'accoucher. Ah ouais, c'est le médecin qui avait les mots. Elle avait des mous. Je sais pas. Mais quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est le bébé, il est un peu plus petit. Il est pas tout à fait à la bonne place parce qu'il y a des nids, etc. Et puis le docteur en fait lui a remis en place et d'un coup son ventre il a gonflé. Ah ouais. Mais écoute-moi, on dirait que Sylvain l'avait soufflé. Non, mais il lui a remis en place comment? Non. Cette curiosité mal placée me dégoûte. Il y en a même qui découvrent leur enfant le 9e mois aux toilettes. Elles vont aux toilettes, elles poussent. Et il y a l'enfant qui sort. Je te jure que c'est une vraie histoire. Oh non. Ah non, mais c'est horrible. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Tu penses voilà, démouler un cake. Et tu démoules un baby. En même temps, c'est vrai que bon, il y en a qui ressemblent à des cakes. Sa mère a démoulé. C'est quoi ça? C'est une attaque sur moi ça? Non, ce n'est pas toi. Mehdi, je te fais un petit cadeau. Merci d'être passé, mon Mehdi d'amour. Merci à vous. Je vous kiffe, les gars. On kiffe. Et puis aussi des bisous à toute l'équipe. Bisous Mehdi, bisous à ton petit gars, on va lui faire un petit cadeau. Allez, c'est le Tinder de la peur. Sylvain accueille sa prétendante. Elle va découvrir à la télé qu'il est recherché. Ce concept est fou. Et ce soir, Sylvain a un gros pinceau puisqu'il est peintre. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Un après-midi chez Carla, qui est donc Carla Bruni, la femme de notre ancien président. Oui. Pendant une de ses fameuses séances, Carla Bruni a débarqué en lingerie dans le bureau de son mari alors qu'il était en pleine réunion avec François Fillon. Mais c'est fou quand même. Et là, tu fais comme dans le film Re. Tu fais la même chose. Vous connaissez ma femme? Oui, elle est belle, hein? Oui, chef. Bah oui, tu peux pas dire autre chose. C'est Coé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Et en podcast sur énergie.fr. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Partez à San Francisco pour la sortie du film Événement de Noël. Comment tu t'appelles ? Bumblebee avec Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie et partez sur les traces du héros le plus cool de la saga Transformers. C'est pour ça que tu es là, Happy. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Maître Gims, le pire, c'est prémonitoire. Hein. Sylvain arrive chez lui pour accueillir sa prétendante. Ça va être énorme, c'est le Tinder de la peur. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi baisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge, je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui, on va se la faire. Vous venez 0870 42 48. L'appel est gratuit. On vous attend. Je dis ça pourquoi ? Parce que Sylvain est en train de s'installer à la maison. Il m'a dit elle est en train de monter. Ah. Donc on va les laisser s'installer à la maison. Et puis dans deux minutes, on va se connecter avec eux. Et on va lancer le Tinder de la peur. Ils vont discuter très tranquillement. Et puis elle découvrira à la télé qu'il est recherché. Alors Victor, tu vas remplacer Sylvain. C'est notre stagiaire. Ok Victor ? Yes. Salut mon Victor. T'en salut forme tout le monde. Enfin. Salut. Victor a été très mauvais lundi. Il veut se rattraper. Toute sa famille écoute. On est avec ça. Toi, mon Victor. Il y a Anaïs qui est là. Ça va Anaïs ? Salut Rico, salut l'équipe. Salut ma poulette, tu prends qui Anaïs? Alors moi je choisis Sarah. Très ouais. Bien, salut Benjamin, ça va Benjamin? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut mon Benjamin, tu prends qui mon poulet? Alors moi j'ai pris JM. Allez. Très bien mon Benjamin, et puis Justine est là, ça va ma Justine? Coucou Rico, ça va? Ça va ma Justine, Justine tu vas devoir placer tes espoirs dans le stagiaire. Oh là là, tu t'es fait carotte Justine. Non, Justine. Non, Justine. Rassurez-le, t'inquiète pas Justine, je suis en forme. Ah, il est en forme. Je crois en toi alors. Oh là là, le petit je crois en toi. Allez, c'est parti, derrière on fait le Tinder, ça piétine. Sylvain vient d'accueillir, me dit-on, la jeune femme dans l'appartement. Top à la patate. Sarah, qu'est-ce qui peut être d'échappement sur une voiture au feu? Pot, le pot. Bonne réponse. Il surfile la patate chaude. L'idée, répondre correctement pour la passer au voisin. C'est donc à toi, Victor. En 1921, sous quel monument parisien le cercueil du soldat inconnu est-il inhumé? L'Arc de Triomphe. Bonne réponse. Attention, JM, selon notre calendrier, au cours de quel mois le printemps débute-t-il? Mars. Comment appelle-t-on les habitants de Limoges? Les Limougeaux. Non, mauvaise réponse, les Limoges. Limoges, pardon. De quelle spécialité italienne la Margherita et la Regina sont-elles des incontournables? Elle marque la pizza. Bonne réponse, Sarah. Quel est le prénom de l'ex-champion de football français Lizarazu? Bichente. Bonne réponse, attention, Victor, notre stagiaire. Quel théorème permet de calculer le carré de l'hypoténuse? Pythagore. Bonne réponse, attention, JM, combien font 100% de 100? 100. Bonne réponse, attention Sarah, quel est le nom du chant maori que les All Blacks entonnent avant chaque match de rugby? Bonne réponse, attention Victor, quel animal est Nemo, le héros de Disney? Un poisson. Bonne réponse, attention JM, quel chanteur américain c'est? Oh là là. C'est perdu, c'est perdu et le stagiaire est toujours en lice. Ouais, je vais rien dire. JM, c'est pour la bonne cause, il y a une finale Sarah contre notre stagiaire, c'est énorme. C'est énorme franchement. Benjamin, je suis désolé mon poulet, on va te faire un cadeau. Pas de peau. Ah ben pas de peau, c'est cadeau. Il peut être d'échappement. Au feu. Ou pourri. Je l'avais en plus. Bisous mon Benjamin, on t'aime très fort, à te faire un petit cadeau. Sylvain est déjà en discussion avec sa prétendante. On va se connecter, mais c'est la finale de la patate chaude. Anaïs pour Sarah. Et allez, puis Sarah. Justine motive notre stagiaire. T'y croyais pas au début? Ah bah non, j'y croyais pas, mais là franchement, je fais totalement confiance, j'espère que tu vas gagner quoi. Oh là là, comment elle était, comment t'as vu, comment elle est meuf, hein. Les meufs, vous êtes corruptibles. Si elle le fait gagner, elle va prendre son 06. Ah bah... Et puis lui, il va y aller, hein. Attention, c'est parti, top, c'est la finale, Sarah contre Victor Nostalgia. Top, c'est parti. Quel enchanteur est lié au roi Arthur et au cheval? Bonne réponse, hein, bravo. Hein, eh oui, t'embête pas. Allez. Attention, Victor, quel est le féminin du mot barman? Barman. Barman. Mauvaise réponse. En 87, quelle chanteuse doit-on le tube? Voyage. Passe, je sais, mais je. Désirless. Attention, Victor, quel super-héros vit à Gotham City? Batman. Bonne réponse, attention, Sarah dans Boulébile, quel animal est Caroline? Une tortue. Bonne réponse, attention, Victor, notre stagiaire, qui est l'interprète de la chanson Luxor, j'adore en 2005? Passe. Philippe Catherine, quel animal est Franklin, le héros de dessin animé pour enfants? Une tortue. Bonne réponse, attention, Sarah, combien d'années séparent deux coupes du monde de football là? 12 ans. 4 ans. Quel département français porte le numéro 21? Je sais pas, la route. La Côte d'Or. Le sigle CHU signifie centre hospitalier universitaire. Bonne réponse, attention, Victor, selon l'expression, quand on est face à ses responsabilités, on est au pied du mur. Bonne réponse, attention, Sarah, au bord de quelle mer la ville de La Ciotat est-elle située? Méditerranée. Bonne réponse, combien d'axes de symétrie à Lausanne? Oh, oh non, c'est Sarah qui l'emporte. Mais bravo à Victor qui a tout donné. Je suis désolé Justine. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Hey, il a tout donné ma Justine. Bon. On va te faire un petit cadeau. C'est pas grave. T'inquiète pas ma Justine d'amour, on te fait un petit cadeau et Anaïs, tu gagnes le grand cadeau. Merci. Yes. Merci beaucoup, vous êtes super, restez comme vous êtes, je vous écoute tous les jours, vous êtes super. On t'aime merci. Anaïs d'amour, franchement, merci, trop de bonheur. Les amis, Sylvain est avec sa prétendante, ça chauffe. On se connecte un petit peu pour écouter. Allez. Allez. Hein, Sylvain est peintre ce soir, on se connecte. Ça dérange pas le classique pas. Non, je m'adapte. Ouais. Ah parce que c'est moi. C'est bon, hein, c'est grave. Ouais non parce que classique en fait ça me permet de m'inspirer tu vois. Oh là là, la musique classique, le peintre, le pinceau, tout y est pour passer une bonne soirée en compagnie de sa prétendante. On aura un papa aussi qui va faire une déclaration à sa fille, c'est magique, on se met Slimane, les habits, et derrière la prétendante de Sylvain va apprendre qu'il est recherché à la télévision. C'est le Tinder de la peur. Et c'est énorme. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. De tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends. c'est le Tinder de la peur. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Eh oui les amis, après la peur, il y aura de l'amour aussi. On a un papa qui a une déclaration à faire à sa fille. Voilà 2 ans quasiment qu'il a perdu de vue. Il souhaite la retrouver et passer les fêtes de Noël avec. On va l'aider les amis, on va se faire pas mal de choses. On aura aussi Jean-Marc, notre pervers, hein, pas notre GM national, hein, qui souhaite une castration. Ouh là là. Purement et simplement. On se connecte avec... toujours pas. On se connecte avec Sylvain qui est dans l'appartement et évidemment ça commence à draguer, d'autant qu'il est peintre ce soir. On se connecte. Nous, c'est de père en fils, hein, je peux te le dire. Ah ouais, la peinture, nous. Bah, mon père était peintre bâtiment, tu vois. Ouais, il était pas tourné sur les femmes, contrairement à toi, non, tu peins un peu de ça. Ah, ouais, bah tu sais, moi, les natures mortes, c'est pas mon délire. Hein. Moi, j'aime bien quand ça vit, tu vois. Bah, surtout au niveau de la... en bas de la ceinture, quoi, les nénuphars. Ouais. J'aime bien. C'est ce que t'aimes bien. Ouais. Enfin, c'est... j'appelle pas sexe d'une femme, j'appelle ça les nénuphars, moi. Je suis des nénuphars, ouais. C'est un peu humide quand même comme région. Ouais, c'est humide. Ah, les nénuphars. Ouais, je préfère qu'on appelle ça autrement, mais. C'est sympa, tu vois, parce qu'après, je peux me poser, quoi, comme petite grenouille dessus, quoi. Tu serais net, là. Le sexe féminin, les nénuphars. J'ai l'image, hein, mais bon, pour le moment, ça manque de preuves quand même. Ah ouais, non, alors, bah, attends, là, moi, je suis dans la peinture, attention. Ah ouais, nous. On adore ça. On est un artiste ou pas, hein. Le pinceau, pour l'instant, mon pinceau, il est rangé. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oh non! Oh la lourdeur! Alors, dans l'étui. J'utilise juste mon rouleau pour l'instant. Après. Oh non! Ouais. Tu fais un cours? Ah ouais, bah je te ferai un cours tout à l'heure. De toute façon, là, tu m'en plus, tu m'aspires beaucoup. Hein. Je peux te dire, franchement, t'as, on appelle ça de l'abstrait. T'as une tête abstrait. Oh non, abstrait! Ouais, non, c'est. Picasso, il serait content de toi, je peux te le dire. Ah ouais, oh non, le bâtard! Ah ouais, il adore les... Ah non, parce que tu vois, t'as un physique particulier, on va dire. Oh non! C'est horrible. Enfin, pas avec Picasso, là. Non, t'es pas avec Potardo, là, c'est pas pareil. Hein. Ah, Potardo, attention, c'est Manon Potardo. Bah, on est une descendance de Picasso, tu vois. On reste dans la famille. Hein. Ouais. Parce que bon, il était italien, moi j'ai des souches italiennes, tu vois. Des souches, quoi. Le sancho, les nénuphars, tout ça. Ouais, c'est explosif, en fait. Lotus aussi, on fait. J'aime beaucoup les fleurs de Lotus. Tu vois, c'est un Kamasutra, c'est peinture, c'est quoi? C'est nature quand même. Ouais, ouais, ah ouais, je suis nature, moi. Je suis nature peinture, comme on dit. Ah, c'est comme des oh, la vanne! Ah ouais. C'est sûr que tu fais passer la nappe tous les jours quand même? Non, mais après, moi, tu sais, pour moi, la femme, c'est la 10e merveille du monde, hein, je suis d'ailleurs. Pour moi, c'est un art. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, j'aime bien. La 10e, d'accord. C'est pour ça, moi, j'aime bien exposer. Tu vois, je suis dans l'expo. Tu montres? Ouais, je te montrerai, là, je suis en train de faire une nana, là, je peux te dire. Bon, après, je pense que je vais m'occuper de toi. Enfin, après, tu vois, mais... Oh non mais, ah, il veut la peindre, ouais, c'est ça. Là, j'ai une nana en ce moment, là, elle est vraiment pas mal du tout, tu vois. Mais bon, voilà, bref. Et toi, tu peins que sur des toiles. Hein? Tu peins que sur des toiles. Eh ben, écoute, figure-toi, là, je suis passé en 3D, là. C'est vrai. Ouais. Je vais faire du body painting, on appelle ça. Ok, c'est intéressant. Voilà, ouais, parce que la 2D, c'est... Sur le corps. Ça manque de forme, quoi. Ouais, ça doit faire froid quand même. Au niveau du corps. Oh, ouais. Non, mais tu vois, j'ai un petit chauffage d'appoint juste à côté, donc... Oh là là, il veut la mettre du épingle. C'est le Tinder de la peur sur Énergie. Sylvain va eh bien péter les plombs puisque sa prétendante va apprendre évidemment qu'il est recherché. Ça va être complètement ouf, c'est dans 2 minutes, le temps qu'il finisse de la draguer puisqu'il est dans son appartement et ça discute comme il faut. Il est peintre, évidemment, hein, Silvano Potardo, descendant de Picasso, et je crois que ça discute beaucoup peinture. C'est ça. C'est parti, on se connecte dans l'appartement. Sylvain est en date. Attends, viens voir. J'ai connu des meilleures techniques quand même. Hein. Non, parce que attends, faut que je regarde, parce que je sais pas si tu rentres dans le tableau, tu vois. C'est ça le problème. Mais... Non, parce que... Non, t'as des blanches. Hein. Ah, ouais. Dans le tableau ou si... Non, j'ai pas rentré dans le tableau, non. La peinture. En plus, ce qui est bien, tu sais, je vais mettre du orange, là. Et vu ce que t'as mis sur le visage, au niveau de peinture, je suis pas mal, tu vois. Non, je rigole. Hey, qui peint bien, châtie bien. Exactement. Oh non, qui peint bien, châtie bien. Aussi les mains des expressions, putain. Il est con, celui-là. Ah non, franchement, tu sais, t'as un physique de ouf, hein. Ah ouais. Tu veux vraiment me mettre dans le tableau, toi, ça part. Ah ouais, je vais te mettre dans le tableau et sous le matelas, surtout. Hein. Mais tu sais quoi, tu me fais penser à la meuf là, tu sais, dans Titanic là. Tu vois? La scène de la peinture. Ouais, Rose là, tu te rappelles de Rose? Ouais, grave. Et après, il passe dans la voiture, non? T'as le même. Oui. C'est pas trop dur. Artistique, mais il y a aussi ce côté. Ah ouais, toi, t'es pictural, comme on dit. Hein. Pictural. Ouais, j'aime beaucoup en tout cas. Parce que là, je commence à voir le pinceau qui mouille, quoi. Tu vois, d'ailleurs. Bah, le trace, c'est pas grave. Oh ah ouais. Ouais, ça, qui pas bien. Pas bien, trop aux yeux. Ouais, laisse des traces, c'est pas grave. Ouais. Énorme. Ouais, il est pas bien, il est déstabilisé. Ah là, il est pas bien. Il a envie de peindre. Tu vois, une petite pause. Alors attends, mets la jambe. En plus, t'as des super jambes, là, comme ça. Mets la jambe un peu sur la table, hein, voilà. Ouais. Bouge pas, parce que moi j'ai un œil d'artiste, hein, je peux te le dire. Hein. J'ai pas qu'un œil d'artiste. Hein. Voilà, il a le pinceau dans l'œil. Hein. Voilà. J'ai le pinceau dans l'œil. Hein, donc bouge tu pas. Tu l'as plus dans l'œil parce que par contre ça va être gênant pour la suite. Ah non, je l'ai partout le pinceau. Mais t'inquiète pas, j'ai le gros, j'ai le petit, j'ai ce que tu veux. Hein. Oh non. Ouais, pas mal. Alors, le petit m'intéresse pas. Ah ouais, attends. Quoi? Le pinceau? Ouais, dis-moi. T'as dit le petit, le moyen, le grand. Ouais, t'es quoi? T'es plutôt petit ou plutôt gros, toi? Le petit, c'est bien, mais vu la taille du tableau, faut le remplir. Oh, mais elle est très coquine. Oh là là, mais c'est quoi ça? Elle est très coquine. Ouais. Là, je vais peut-être faire. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'est plus quoi dire. Ah ouais, mais c'est. Mais je risque de tâcher le tableau. Hein. Tableau? Ah ouais, le tableau? Ah ouais. Oh là là, c'est gourmand. Hein. Oh là là. Je badigeonne. Oh là là. Oh stop. Petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien. Que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Testament, au-delà d'une confidence, on est les petits enfants. je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Allez les amis, le Tinder est en place. Franchement, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Sylvain nous fait mourir de rire. Et puis je reçois plein de jolis messages. Rico Energy sur Snap. Franchement, c'est hyper touchant. Ah ouais, merci les amis. Merci. Puisque je rappelle qu'on a gagné le prix de la meilleure émission du soir via Radio Note sur oza.com. Merci les amis. Franchement, c'est un beau prix. Ouais. Et merci à vous. On vous aime très très fort. On va avoir ce soir quelque chose de très touchant. Alors déjà, ça va être la fin du Tinder. Mais oui, ça va être énorme. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un papa. Ouais. Un papa qui m'a ému, moi personnellement, qui nous a contacté pour retrouver sa fille. Et il a une situation très complexe parce qu'il vivait dans la rue. Voilà, il va vous expliquer. Et vous le savez, à l'approche de Noël, on essaye de se rassembler, de se retrouver, de passer les fêtes en famille. C'est le but. Et d'ailleurs, si vous aussi, d'ici vendredi à la fin de la semaine, vous avez envie de retrouver vos proches, 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. 0800 70 42 48. Vous êtes les bienvenus. On se connecte un petit peu avec Sylvain. Vas-y. Hein, c'est le Tinder de la peur. Ça y est. On va demander à Sylvain d'activer le mode recherche. Voici ce qu'elle va entendre hein, lorsqu'il allumera la télé. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. C'est que le début. Pas mal, pas mal. On se connecte avec Sylvain dans l'appart. Je fais de la peinture à l'huile aussi. Ah, oh là, je sais pas d'où sort la peinture, mais j'ai très peur. À l'huile d'olive. Ouais, l'huile, c'est bien, mais... L'huile, j'en ai d'autres, non? Ah, tu veux que je la propose? Tu veux que je la mette sur le corps, l'huile? Je suis pas venu pour faire un tableau, moi, ce soir. Je t'explique. Ah oui, j'ai bien compris, oui. Non, les colères. Toi, la peinture, c'est pas ton délire. C'est loin la détente. Il faut créer, mais... Ah, t'es loin la détente. Non. Mais je procrée aussi, hein. Attention. Il bégaye, je veux dire qu'il bégaye. Il est pas bien. Hein, il est surpris. Ça manque de preuves, tu attends de faire un Titanic. Bah là, j'ai une passe au sec là, donc si tu veux. Que je vais m'humidifier. Oh non! Non, mais elle lui fait un rendez-vous de dingue. Je suis choquée. Ah bah écoute, ouais, j'ai une recette magique, ça passe par la bouche. Et... Oh non! Non, c'est une blague. C'est en train de chauffer. Mais c'est un malade mental ce gars. Mais qui c'est cette personne? Elle, qui est cette fille surtout? Sylvain, tu files à la salle de bain, on l'annonce recherchée. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack. Trois cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Leclerc. Chérie, j'ai une surprise. Mais non, des homards. Des homards à 19,99€ le kilo chez Leclerc. Pour un sublime repas de fête. Moins de 20€ le kilo de homards. Chez Leclerc. On va se régaler. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 20 au 24 décembre, le homard cuit pêché en Atlantique Nord-Ouest de 300 à 400 grammes pièce est à 19,99€ le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Du homard. La tête que va faire maman. J'ose même pas imaginer. Pour votre santé, bougez plus. Tout connaître de votre futur, envoyez Avenir, AVENIR au 7-22 et vous saurez tout. Décryptez les signes Avenir au 7-22. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu Tatou, David Guetta et Anne-Marie, Amir, Kenji Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vita et Slimane, Dua Lipa, The Prince Karma, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes. Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandugia noire. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche Giandugia noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandugia noire de 550 grammes est à 10,90€, soit 19,82€ le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Salut, c'est Manu. Toi qui l'a conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. The DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wind. With you it happens every time. My body's only for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'm a Johnny loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. They give her all of me energy. So me's a DJ, turn up the sound, make sure move her body. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. Hey DJ. Va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Eh oui, on est là du lundi au vendredi, 20h, 23h, c'est la fin du Tinder. Sylvain a bien dragué en se faisant passer pour un peintre. Il est maintenant dans la salle de bain, prêt à dégainer la télévision où une bande-annonce va apparaître, l'annonçant recherché. Elle va être certaine que son Tate est un criminel. Ça va être complètement ouf. Derrière, on aura, je vous le dis, un papa qui a une déclaration à faire à sa fille qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Il est passé par la rue. Et ce soir, il a besoin de nous pour faire cette déclaration et être à ses côtés pour le soir de Noël. Ça va être énorme, les amis. On aura plein de choses à faire. On se connecte avec Sylvain. Sylvain. Ouais. Je suis dans la salle de bain, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Tu es dans la salle de bain? Oh là là, elle a l'air. Tu m'entends depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, Camille, je vais remettre un petit coup de plumeau, là. J'arrive. J'ai l'impression qu'elle. Elle est plus dingue que toi, j'ai l'impression. C'est grave. Des fois, c'est une croqueuse, une montre religieuse. Ah ouais, c'est une montre religieuse. Une montre. C'est pas vrai. Une croqueuse. Ah ouais. Elle veut me peindre dans tous les sens, hein, je peux te le dire. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'es allé me chercher, là? Je sais pas, je crois qu'elle a un peu d'infos, je crois. Ah ouais, mais d'accord. Non. Ah ouais, mais toi, tu sais les sélectionner. J'arrive. Oublie pas que c'est faux, c'est une émission. Je vais mettre l'équipe. Finis pas avec elle. Ça va la déchauffer ou l'exciter, on sait pas. Attends, je te mets l'équipe. Attends. Comme une dingue de savoir qu'il est recherché. Ah ouais, c'est sûr. Allez, Sylvain, voici ce qu'elle entend. Au même moment, il a allumé la télévision. Enferme-toi dans la salle de bain. Voici ce qu'elle entend. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui, et dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement, 0800 70 42 48, car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir, sur Énergie 12. Ça y est, l'info est passée, on écoute ce qui se passe dans l'appartement. Mais t'es sérieux là? T'as quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais chier? Tu te fais de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu me dis pas direct? Comment ça? Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi cette merde? C'est ma gueule. Bah, c'est ma gueule. Bah non, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu là? T'as fait quoi comme connerie? Quelle connerie? J'ai rien fait moi. Oh, je viens de voir que t'étais recherchée à la tête de ma gueule maintenant. Bah non, tranquille, attends, viens, on continue la peinture. Mais t'es sérieux, mais t'as pas l'air. Quoi? Elle adore, je te dis, c'est sûr. T'as foutu quoi? À vous? Allez, vas-y. C'est elle qui va le garder. Bon, je vais te le dire, je suis peintre. Ouais. Mais je suis peintre en scène de crime. Maintenant, tu vas plus bouger. Ouais. Oh non. Il fait pas peur. Il fait peur, allez, casse-toi. La victime. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu bouges plus? Oh non, non. Elle a pas peur de lui. Elle s'en fout. Sérieux, mais casse-toi. Non, tu bouges pas. Ben là. De toute façon, t'es sur Tinder, mais tu craques ou quoi? Hein? Il se fait martyriser. On dirait un gars qui a volé une éponge dans un supermarché. T'arrêtes avec moi, je vais te peindre maintenant, je vais te peindre comme il faut. Ouais, allez, bouge pas. Hein? C'est quoi tes arguments? Tu crois que tu me fais peur? C'est quoi? Hein? Oh là là, mais on dirait que c'est un week-end. Mais sérieux? T'as rien, t'es un minable. Quoi, je suis un minable de quoi? Elle est excitée. Moi, je suis un minable. Elle est excitée ou quoi? Les gens, et alors? Je suis un malade femme, on m'appelle. Ouais, c'est hein? On m'appelle DiCaprio. Allez, retourne dans ta salle. Picasso, c'est moi. Ouais, prends-moi pour une conne. Reste là, tu bouges plus. Mais c'est avec moi. Mais Sylvain, elle s'en fout. De toute façon, la meuf s'en fout. Tu casses pas le mobilier. Bah, c'est bon, Sylvain, non, tu casses pas le mobilier, tu restes là. Je vais mourir. C'est quoi ce truc? T'as pas mon numéro de toute façon. T'as pas mon numéro. Tu vas faire comment? Tu vas appeler les flics? Moi, je sais où t'es. Je sais pas, là. Je suis où? Hein? Oui, bah oui, c'est chez moi, bien sûr. Hein? Tu bougeras plus, tu bougeras plus. Mais ils vont ken en fait. Hein? On dirait trop la meuf qui dit vas-y, montre-moi. Mais c'est vrai, on dirait un film comme ça. Un scénario. Sylvain, dis-nous, on fait l'amour et on arrête là. Tu te barres! Arrête, putain! Non, Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you. Calling for you. I need someone promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Les amis, c'est la folie dans ce Tinder de la peur. Sylva est en train de débrancher. Et puis Marc qui s'est retrouvé à la rue et qui veut retrouver sa fille pour Noël. Et là aussi, dans une minute, il va vous expliquer son histoire. On va tenter justement de renouer les liens dans sa famille. Ça peut arriver vraiment à tout le monde, ce qui lui est arrivé. Et vraiment, on va l'aider. C'est un fidèle auditeur du Rico Show. Et on va lui faire plein de bisous. Vous pouvez venir 0870 70 42 48. On va se faire plein de choses. Il y aura aussi Jean-Marc, notre pervers. Hein, vous le savez, qui veut évidemment se castrer une nouvelle fois. C'est pas Jean-Marc qui est avec nous. Sylvain, qu'est-ce qui se passe dans ce Tinder là? Ouais, bah j'arrive là, je suis sur le retour là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas voulu passer à l'antenne. Elle a pas voulu passer à l'antenne. Je lui ai dit que c'était une blague et tout. Ouais. Et mais je crois que ça l'a chauffé, hein. L'histoire du bad boy et tout, je crois que ça l'a chauffé vraiment. Pourquoi? Je te jure. Bah je sais pas, tu vois, elle criait, mais genre criait, vas-y, fais-moi quelque chose quoi. Un peu dominatrice quoi. Fais-moi peur quoi, crie, fais-moi peur, tu vois. Mais elle avait bien saisi, elle avait bien saisi le dos que t'étais recherché, tout ça. Ouais, elle a bien saisi le dos et tout, tu vois, mais la meuf, je crois que les bad boys et tout, ça l'a excité, je crois, je te jure. Bon, ben, et en fait, et toi, tu l'as laissé partir. Ah, tu dis. J'ai des missions à faire. Ah, bravo. C'est beau, ça, mon Sylvain. On t'attend, t'es meilleur au téléphone, par contre. Il y a Sandra qui dit Sylvain martyrisé par un balai MDR. Tiens, on a Marc, justement notre papa qui s'est retrouvé à la rue, qui a besoin de nous ce soir. Il va vous expliquer sa situation. Évidemment, si vous vous reconnaissez, vous appelez tout de suite. Hein, 0870 70 42 48. Ça va, Marc? Salut Rico, salut. Salut Marc. Marc, je sais que t'as besoin d'aide ce soir. T'as envie de passer Noël en famille et tu nous écoutes fréquemment. Et t'as vu qu'on mettait ça en place cette semaine. Et justement, t'as quelque chose à nous dire. On t'écoute, mon Marc. Ah, avant tout, là, tu dis que je vous écoute fréquemment. Ouais. Juste merci pour votre émission, parce que voilà, nous on est sans domicile fixe, on est dans un foyer, on n'a pas de télé, il y a encore l'été, on est dehors, et vous êtes notre chauffage en fait. Ouais, c'est gentil, non mais les gars, on vous écoute, on a que ça, notre transistor, on vous écoute, et j'ai vu que la semaine vous réconciliez les gens quoi. Ouais. Et moi mon souci c'est que je suis à la rue. Ouais. Je suis à la rue et j'ai pour plein de raisons, pour plein de raisons quoi. Ouais. Mais je suis parti un jour du jour au lendemain de ma famille. Alors faut savoir que j'ai une ex-femme, je l'ai pas eue depuis 5 ans. Ouais. D'accord. Et ta fille était restée avec ton ex-femme, c'est ça hein? Ah ouais. Et ce soir, tu souhaites la retrouver parce que vous avez passé plus de 2 ans sans vous voir. Et toi, de ton côté, c'était la débandade. T'as perdu ton boulot, t'as perdu ta nana, t'as perdu tout. Et tu t'es retrouvé un petit peu à la rue sans rien. C'est ça, mon Marc. Hein. Je puis je suis complètement descendu et à moi et moi je pouvais pas montrer ça à ma fille quoi, je voulais pas, enfin, déjà qu'on se voyait plus trop mais on avait quelques contacts quand même, ouais. Mais pas beaucoup quoi, et je voulais pas qu'elle voit comme ça. Je suis parti du jour au lendemain quoi, ça fait un an que je suis à la rue, ça fait un an que je n'ai plus de nouvelles, il n'y a rien quoi, parce que je veux pas qu'on me voit comme ça, et pour plein de, j'avais des problèmes familiaux et tout ça. Et elle pense en fait que tu l'as un petit peu abandonné du coup, parce que tu lui as pas expliqué ta situation. Elle est au courant de rien quoi. Elle est au courant de rien. Donc son père était à la rue et elle pense qu'en fait son père il avait juste un désamour pour elle quoi. Mais j'en sais rien, ça se trouve, elle croit que je suis mort même, tu vois, j'en sais rien. Ah, parce que toi t'as fait vraiment zéro nouvelle auprès de personne, c'est ça Marc hein. Ah, pour te dire, le truc c'est que je la croise de temps en temps. Mais c'est pas vrai. Bah, tu sais, quand t'es sur le trottoir, les gens te regardent pas. Les gens te regardent, c'est triste, les gens te regardent pas. Et moi, je la croise, je sais que c'est elle. Je la croise de temps en temps. Elle m'a jamais vu, mais je sais. Et pourquoi je vous appelle? Parce que. Pardon, excusez-moi. Non, mais vas-y. Parce que je l'ai croisée il y a pas longtemps. Et elle avait une poussette, quoi. Ouais. Elle avait une poussette. Et. Putain, là, je me suis dit, merde, je peux. Elle a une poussette, mec, elle a une poussette. Ça veut dire que je suis papy. Et j'ai pas vu ma fille. Et moi. Et là, voilà, t'as percuté, tu t'es dit, en fait, j'ai loupé une étape de vie de ma fille. Ah, certes, j'ai plus de nouvelles, certes, on a coupé les ponts, mais elle a grandi de son côté. Ah ouais. Je comprends. Marc, ce soir, t'as envie de la retrouver, c'est ça, passer les fêtes de Noël et lui expliquer aussi un petit peu ton chemin. C'est ça l'idée, Marc? C'est exactement ça. Je voulais dire que peut-être je lui ai expliqué pourquoi je suis parti comme ça sans rien dire, mais elle le comprendra peut-être parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de fier quoi. Ah, ça va. Chaud. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, Marc. Ça va être chaud. Écoute, on va t'aider et on va tout faire pour que tu passes Noël avec ta fille. Encore pas mal de choses, hein. Si vous avez vécu la même situation, 0800 70 42 48. Il va y avoir plein de trucs. Sylvain est de retour, là. Il sera là dans une minute. On va se mettre Maître Gims et Dadju. Tu ne le vois pas. C'est un petit peu l'histoire de Marc. C'est ça. Comme quoi. Ouais. Marc, on est là pour toi, mon poulet. On va t'aider. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. N'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos pour t'en aller. Rappelle-toi que je suis un homme, je vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Pour toi. rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, c'est votre émission et on va aider Marc, hein. Marc sans domicile fixe, aujourd'hui il est en train de remonter la pente, ouais. Et il était un poids pour sa fille, hein, ouais. Selon ses mots, hein, puisqu'on s'est eu aussi en antenne et du coup il s'est un petit peu effacé. Sa fille a grandi, sa fille a évolué ces deux dernières années, elle a même eu un enfant et il l'a croisé dans la rue, rendez-vous c'est compte, fou. Lorsqu'il était sans domicile fixe, il est encore sans domicile fixe, mais là il vivait dans la rue et on était son chauffage comme il dit en écoutant ouais. La radio. Du coup, il a gardé cette habitude. Et puis, il a vu que cette semaine, on tentait de d'amener des retrouvailles, et bien de constituer un repas de Noël un petit peu sympa. Et du coup, il a besoin de l'émission. On va l'aider. Sylvain est de retour. Ouais. Ouais, mon Sylvain. Je sais que t'es arrivé direct. Tu nous as dit voilà, Marc, ça t'a touché. Hein. Ah, ça m'a touché au cœur direct. Ouais, c'est fort. C'est très très fort. Et franchement, bon. Belle preuve d'amour. On va essayer de l'aider. N'hésitez pas si vous avez des mots pour lui. 0870 42 48. On va appeler sa fille. Le temps d'avoir vos témoignages. En attendant, il y a Stéphane aussi qui veut venir. Ça va, Steph ? Salut, Rico Show ! Salut, Steph ! Steph, il lui est arrivé une histoire de ouf. Oula ! Ah, mais je suis Oui. Ah. Steph, vraiment de ouf. Raconte-nous ce qui s'était arrivé. Alors, en fait, j'ai connu Nana il y a quelques temps. Ouais. Et ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, environ 6 mois, quoi. Ouais. Donc, un jour, on est invité chez ses parents pour connaître les grands-parents. Donc, tout s'est bien passé, tranquille, quoi. Et j'avais mon chez-moi en même temps aussi, donc elle vivait chez moi aussi souvent. Ah ouais. Ah donc ouais. C'était l'amour quoi, l'amour, ouais, le vrai. Hein, c'était déjà plus fort que Sarah et Mehdi, donc. Mais t'es malade. Donc c'est pas mal, ok Stéphane. Et ensuite. Ouais. Donc ensuite on fait le repas de famille, tout se passe bien, on connaît les grands-parents, ça va tranquille. Et ce jour-là, j'avais décidé d'aller à la pêche. Oh là là, la pêche au gros. D'accord, mais t'as pas pêché ce qui était prévu, puisqu'au retour de la pêche, il est tombé sur quelque chose, mon Steph, raconte-nous. Oula. Donc en fait, je lui dis à l'ancienne copine, je lui dis bah écoute, je vais faire des verres. Si jamais j'ai pas de verres, je pourrais pas pêcher. Donc oui, ah oui, il fait des verres. Parce que okay. Voilà. Donc je vais faire des verres, j'en fais pas, comme par hasard. Il n'y a pas de verres, rien, que dalle. Fallait chercher dans le cul de Sylvain, il y en a plein. C'est-à-dire avec ce qui pique à droite à gauche, il vole les sushis de la veille, il a des verres de 18 cm. Ah, c'est des verres lusants d'ailleurs. Ah, je peux te dire que. Donc ouais, du coup, tu rentres. Il appelle sa femme pour rentrer, donc moi je dis, moi j'appelle pas, t'es bon, je rentre. Donc je rentre, j'arrive devant chez moi, je me gare, mon frère il sort avec moi, donc j'ouvre la porte, même pas fermer la clé à porte, et qu'est-ce que je vois ? Madame avec un monsieur, le monsieur il était encore en slip et elle était à poil dans mon canapé. Oh là là ! En plus, je sais que t'habites Calais, Stéphane. Sylvain, t'étais où la semaine dernière ? Ah, mais un pêcheur qui rencontre un chasseur, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la porte, je tombe sur ça, je dis à mon frère, je ferme la porte, je dis, frère, tu restes dehors. Je ferme la porte, le gars étonné que j'arrive, je suis là. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Je traite de tous les noms. Ouais. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je fais ? Il veut pas se lever, je lui mets une grosse droite. Oh là là, direct. Ah ouais. Oh là là, l'hypercute. Ah ouais. Ah ouais. Normal, là c'était un boxeur qui rencontre un chasseur. Malgré qu'il était plus grand que moi et un peu plus costaud, malgré que moi je fais quand même 1m75 et je fais 114 kilos. Oh là là, la belle bête, quand il t'a vu arriver, je pense qu'il s'est dit oh merde. Ah ouais. Bah je suis bizarre aussi, hein, du côté que le week-end, donc. Ah oui, d'accord. Et j'ai mis une grosse droite, il a couché le fauteuil, quoi. Et coup, j'ai dit à lui, j'ai dit, tu prends tes affaires, attends, je vais défoncer, quoi. Oh là là. Et j'ai dit, écoute, prends tes affaires, tu dégages direct. Ah bah, oh là là, c'est un raison. Je les ai mis dehors direct parce que je voulais pas vraiment me battre dans la maison pour éviter de tout casser. Steph, c'est un truc de ouf. Quand tu découvres comme ça que t'es pétron et tout, franchement, on va en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de trompés autour de la table, les amis. Oui. Je le sais. Puis on aide Marc. Notre sort de domicile fixe, le décor est planté. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest, you know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. Control. control. Fédère. Franchement, c'est un kiff ce titre, hein, les amis. On a deux histoires. Marc qui tente de retrouver sa fille, ouais. Hein, lui qui est à la rue. Et puis Stéphane qui a découvert qu'il était cocu. Sarah, toi, la cocu de la bande. pas avec mon mec actuel, mais avec tous mes ex, ouais. J'ai toujours été cocu. C'est vrai. Alors, le premier, histoire de dingue, un jour il arrive, la raie des fesses un peu rouge et irritée. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. La raie des fesses irritée, je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Il était censé partir en séminaire le week-end dernier, quoi. D'accord. Il revient de séminaire, il me dit non, c'est le jet ski, je me suis irritée, etc. Irrité le fion. Sauf qu'un mois plus tard, une nana du nom de Barbara m'appelle pour me dire qu'en fait, il s'était adonné avec elle à des jeux coquins, des trucs de fouet, de string, etc. Mais non. Donc, d'où son cucu irrité. Donc, horrible expérience pour faut moi. Lui mettre du première tac. Expérience horrible. Et le deuxième, ben, j'ai cramé parce que c'est les flics eux-mêmes qui m'ont montré des photos de lui en filature avec des escortes. Mais non. C'est pas vrai. Voilà. En filature. Ouais, avec des escortes. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le mec était chopé, il a dit là, il était avec une escorte. Voilà, c'est-à-dire que le flic s'est fait un plaisir de te montrer son mec. Donc parle-moi si t'as des trucs à me dire sur lui, parce que je t'explique, le gars regarde te trompe avec des escortes. Oh là là, c'est-à-dire que pour te faire parler, il te montrait des photos avec l'escorte. Ouais, c'est fou, ouf, c'est incroyable. Putain, quelle technique. Du coup, elle a tout déballé. Oh, non, j'ai rien déballé. T'as réagi comment? Bah, je savais rien, moi. Bah, j'ai pleuré. Je me suis dit, qui est cet homme en fait? C'est vrai. Ah, c'était chaud. Il voyait des escortes, il en voyait beaucoup, même au bois de Boulogne, des photos filatures au bois de Boulogne, des notes d'hôtel. Enfin, il y avait tout. C'est pas vrai. Il était à fond avec les gonzesses et le soir, il venait te voir. J'espère qu'il se protégeait. Bah heureusement la base. Bah ouais, non mais t'imagines. Ouais, non, mais t'imagines la crainte. Si le mec il faisait le con et puis tu penses qu'il est fidèle. C'est pour ça qu'il faut se protéger les gars. Toujours l'histoire de ouf, Sylvain. Non mais Sarah, d'accord, ok, ouais. Bon, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais pose-toi les bonnes questions aussi. Oh non. Non mais je sais pas. Ah ben, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème quand même. Ah oui. Bah oui, c'est sûr. Avec quoi? Ah bah apparemment tu t'y files pas au mastic, donc forcément. Tu mérites d'être trompé en fait. Bah non, mais bon voilà, investis-toi un peu plus dans la matière quoi. Et ça, franchement, dans la bouche d'un sage comme Sylvain, ça a une valeur. C'est magnifique. Et puis surtout Stéphane qui est venu appeler, qui te dit voilà, je suis cocu, j'ai découvert ma femme en train de faire l'amour avec quelqu'un, ça donne du baume au cœur ça Stéphane. Hein. Ah non, je peux vous dire j'étais sidéré, ça choque. Ah oui, franchement ça choque. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça shot. Ah, il était CRS, c'est ça. Allez les amis, bouge pas, on se retrouve dans une minute, pas plus, un chrono. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question, glandue, non? Non. J'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Dis donc. Après, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h-9h30 sur Énergie. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Partez à San Francisco pour la sortie du film Événement de Noël. Comment tu t'appelles ? Bumblebee avec Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie et partez sur les traces du héros le plus cool de la saga Transformers. C'est pour ça que tu es là, Happy. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Tous les jours, Emeric Bonnery est sur Énergie. Le Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Plein de choses arrivent, notamment Marc qui va faire une déclaration à sa fille, lui qui est à la rue, il faut le dire, depuis 2 ans, pas de nouvelles. Et il va justement tenter de la retrouver pour Noël. Elle n'est absolument pas au courant de son parcours chaotique de ces 2 dernières années. Il s'est effacé pour la laisser grandir sereinement. C'est l'amour d'un père, hein. c'est hyper fort. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire d'une façon ou d'une autre, 0870 42 48. L'appel est gratuit, 0870 42 48. Stéphane, on termine avec toi mon petit Stéphane, qui a découvert que sa nana le trompait. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre ça? Non mais déjà vas-y Stéphane. En fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir ses parents direct. Voilà, ah direct ouais. Et donc ouais, et je l'ai mis à la porte. Ah ouais, ouais, mais toi, toi, c'est la méthode Ford aussi, mon Stéphane. Non, mais Stéphane, tu vois, il y a des métiers à risque. Ouais. Tu vois, policier, pompier, ouais. Infirmier, chauffeur de poids lourd et tout. D'accord. Non, mais c'est vrai, t'es d'accord. Jamais à la baraque. C'est vrai. Moi, j'étais au chômage. Ouais. Bah, je peux dire, j'ai jamais eu de problème de profil. Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, il était que pêcheur. Si tu peux même plus aller à la pêche et qu'il te fait tromper derrière. Ouais, mais la truite, tu vois, à force. La truite, tu prends l'anguille. Ah non, mais c'est chaud, ça, mon Stéphane. Non, mais moi, je le comprends, franchement. Même si le mec est plus costaud, bah t'y vas et tiens-moi. Malheureusement, même si tu te fais défoncer, mais attends, le mec il vient chez toi, il se fait ta femme sur ton canapé. Mais t'as surtout, Stéphane, ça fait peut-être un moment aussi qui, quand tu vas à la pêche, lui il fourre la dinde. Hein. Ah oui, ouais, voilà. Il a tapé dans le frigo ou pas? Est-ce qu'il a tapé dans le frigo? Est-ce qu'il se sert dans les petits plats que t'achètes? Non. Ah, ça va alors. Ça va. Ça va. L'honneur est sauf. Ouais, il méritait qu'une droite. Ah ouais. Évidemment, les gars, là. Ce que j'ai fait après, c'est que je l'ai mis dehors, elle a dormi dehors. Après la raison, moi je la fous dehors la nana. Il est dur, l'autre elle se tape un type qui la réchauffe toute la nuit. Ouais. Ouais, mais bon. Il fait froid. Hein. Ah non, mais elle a dormi dehors. Faut rester un petit peu un homme, gentleman. Mais elle dort dehors, elle a pas dormi sur le trottoir, elle a pris l'hôtel, elle est chez sa mère. Détends-toi. C'est pas Marc qui est à la rue. Marc qui va t'expliquer ce que c'est la rue. Mais même pas, elle a fini avec le mec avec qui elle était sur le canapé. Elle va pas dormir dehors. Attends, il est capable de lui faire du feu en mode Koh-Lanta. Il peut peut-être lui offrir le gîte. Le couvert. Ah oui, évidemment. Hey, Stéphane, c'est pas l'abbé Pierre du sexe. Ah ouais. Hein. Attends, il faut se détendre. Bah oui. Non, mon Steph, t'as raison. Du coup, je l'ai quitté et pendant une semaine, même voire deux semaines, elle a tourné devant chez moi, tourné. Des appels, mais j'ai jamais rien fait. Écoute, tant qu'elle tourne chez toi pour tourner, ça me voilà rassuré. Non, mais attends, moi je suis contre l'infidélité, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est pourquoi vous n'avez pas tendance à pardonner alors que nous, les meufs, on vous pardonne un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, vous êtes dur. On le fait une fois, on le fait deux fois, trois fois. Bien sûr. Une personne qui me fait une fois, c'est mort. Bah alors vous serez tous célibataires, nous on vous pardonne plus, c'est fini. Oh, bah non, moi je trompe pas moi. Moi je suis quelqu'un qui t'aura courage, j'ai quelqu'un et je veux voir ailleurs. Il a raison mon Steph. Hein, on sent que Mehdi a carte blanche. Je veux te dire, avec un discours pareil, tu te mets avec Sarah, c'est normal que tu la pétrole. Non, il est fidèle. Ouais, mais quand tu as ce discours de dire ouais, mais s'il trompe, s'il écoute. Juste que nos mamans à l'ancienne pardonnaient beaucoup, ce qui fait qu'un couple. Ah bah c'est une connerie. Parce que maintenant la nouvelle génération, elle fait que tromper. Alors que si t'avais eu une chance et que c'était rideau, ce serait plié cette affaire. Et Steph, peut-être qu'il serait pas cocu. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, madame. Ça va. Steph. La faute à qui? Non, la faute à vous. C'est horrible. C'est quand même les mecs qui trompent le plus. Et on va aller raconter que c'est à cause des nanas qu'on les trompe. C'est non, mais c'est une vanne, les amis, détendez-vous. Stéphane, on te fait un petit bisou, on va te faire un cadeau. Bisous, mon Steph. Ok, salut, bisous à tous. Et c'est très sympa et continue comme ça, on rigole très bien avec vous. Merci, on t'aime, merci. Stéphane, j'allais t'offrir une casquette, mais avec les cornes, ça va être compliqué. Ok. Allez, bisous, Rico. Bisous, Stéphane d'amour. Il faut le prendre avec le sourire, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre ou quoi, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Surtout pas. Un petit peu d'amour pour reprendre espoir. Et puis Marc est là, les amis. Et vous allez le voir, il va appeler sa fille. Voilà 2 ans qu'elle n'a pas de nouvelles. Voilà 2 ans qu'il est à la rue. Il l'a même croisé alors qu'il était à la rue. Il souhaite repasser à Noël avec. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing. Change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void, or do you? I feel rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, ça y est, on est là avec vous jusqu'à 23h du lundi au vendredi. On va appeler Jean-Marc. Jean-Marc, ah, ouais. notre pervers pour se détendre un petit peu. Hein, Jean-Marc, en fait, lui, ce qu'il rêve, c'est de se faire couper les coucounettes. Oh, je vous le dis, c'est son rêve, la castration. Oh. Je sais que vous l'adorez. Il est de retour dans une minute. Et on est toujours avec Marc qui tente de retrouver sa fille. Marc, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mon petit poulet. Marc, tu t'es retrouvé à la rue. Tu vis toujours à la rue, c'est ça, Marc, hein? Ouais, c'est ça. Bah, je suis dans un foyer, là, pour l'instant, pour le soir, mais ouais, je suis à la rue. T'as retrouvé du boulot ou pas? Bah, justement, je suis en train de... Ouais, je suis sur un plan pour retrouver du boulot, et justement, je suis en train de remonter la pente. D'accord. Et ce qui fait que là, il y a quelqu'un qui va peut-être me... Enfin, qui va m'embaucher, j'espère, là. D'accord. Là, là. D'accord, et c'est pour ça que tu veux revoir ta fille, parce que tu me disais très humblement, et ça qui me touchait, voilà, j'étais un poids pour elle, un poids pour son évolution et un poids pour son avenir, et j'avais pas envie justement de la tirer vers le bas, c'est ça Marc? J'ai pas envie de la tirer vers le bas, j'ai pas envie qu'elle me voie comme ça non plus, j'ai pas envie qu'elle se dise, mon papa il est rien, quoi, il est SDF, j'ai pas envie de lui demander quoi que ce soit, en même temps je l'ai pas vu depuis très longtemps, non, enfin j'ai pas envie de tout ça, mais sauf que là c'est trop. Tu comprends, Sylvain, t'as déjà eu des potes et tout qui ont galéré. Je sais que toi aussi, t'as vécu du 6 mois dans une voiture. Alors, ouais, c'est pas comparable à Marc parce que t'étais sur quelque chose de positif. Tu voulais devenir un sportif professionnel. C'est ça, ouais. Mais ouais, ça te parle. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que moi, je débarquais de ma petite région là, de Franche-Comté. Ouais. Et je suis arrivé à Paris. Je devais arriver à l'INSEP. Ouais. Mais il n'y avait pas de place dans l'internat. Dans l'INSEP, ouais. Tu vois. Ben, ouais. Donc, je galérais et tout. Et moi, je voulais pas rentrer parce que voilà, je voulais vraiment être champion. Ouais. Et donc, avec un pote. On a dormi dans une voiture pendant 6 mois. D'accord. Donc c'est-à-dire que voilà, on s'entraînait, on faisait les choses et tout, mais on dormait chaque fois dans. Et tu entraînais, tu voyais les Teddy Riner et tout à l'INSEP. Ah ouais, les mecs, ils arrivaient en Porsche, enfin Ferrari et compagnie, et moi, je dormais tous les soirs dans le bois de Vincennes d'ailleurs. Ouais, sur le parking en face, ah quoi. Ouais, jusqu'à côté des demoiselles, quoi, on va dire. Ah putain, c'est chaud. Et donc forcément, ouais, c'est dur, on prenait la douche après l'entraînement, moi j'ai un peu à droite à gauche. Ouais. Et voilà, il fait froid les nuits, ça caille. Et c'est chaud, parce que t'as beau mettre le chauffage, mais bon, qui dit chauffage dit allumer la voiture, donc ouais. ça consomme de l'essence. Ouais. Nous, on n'avait pas d'argent, j'avais 18 ans. Bien sûr, imagine. Bien sûr, c'est compliqué. Donc je comprends tout à fait sa démarche. Mais... La démarche de Marc, ouais. et Marc, tu l'as croisé, hein, c'est ce que tu nous disais, t'étais justement dans la rue, et puis tu l'as croisé à plusieurs reprises, et tu t'es aperçu que t'avais loupé le coche parce qu'elle avait eu un enfant en la croisant dans la rue, et sans jamais l'interpeller, Marc, c'est ça? Ah non, mais tu t'imagines, je suis à la rue, je suis sale, je suis en train de demander des pièces, et elle va faire ses courses, quoi. Et je ne voyais pas lui dire à Marilyn, c'est moi, quoi. Ah, c'est chaud. Bah, pour un père, c'est la fierté qui en prend un coup. Moi, à l'époque, je me souviens, mon papa, il s'est passé peut-être 3 mois sans que je le voie, parce qu'on a été viré. Arrête. Il y a les huissiers qui ont toqué à la porte, ils nous ont expulsés. Moi, j'ai dormi 2 jours dans une voiture en tant qu'enfant, mais ça, c'est pas le plus grave. Et ensuite, mon père m'a mis chez ma tante, et lui, je sais pas, il a dormi des mois avant qu'on soit relogé, dans des voitures, dans des endroits un peu. Chez maîtresse. Et c'est vrai que. Oh non. Ben là, c'est pas beau ça. Chez ses maîtresses. Non, mais c'est grave, c'est que j'ai les larmes aux yeux, il est en train de dire. D'ailleurs, il a été mieux logé chez ta maman. L'accueil est chaud et la dinde est bien fourrée. Du coup, je le comprends, la démarche avec sa fille, c'est compliqué, tu vois. Ah oui. Ouais, voilà, c'est vrai. Il a une position un petit peu où peut-être qu'il a honte. Toi, tu l'as su à l'époque que c'était compliqué pour tes parents ou pas tout de suite? Non, il le cachait jusqu'à ce que les huissiers disent toc toc toc, on va vous expulser. Moi, je savais pas. D'accord. Bah, attends, c'est fort. C'est compliqué jusqu'à un moment donné où t'as un truc qui fait clash, quoi. Mais oui. Quand je l'ai vu avec la poussette, Ah bah là. Ah ouais. Vois, mais non, les mecs, j'ai tout coupé, quoi. Ah oh, putain. Ouais, je comprends. J'ai vraiment envie j'ai envie vraiment de lui parler, quoi. Écoute, on va faire le max, Marc, et on a des témoignages qui arrivent pour toi. 0800 70 42 48. Je sais que vous avez envie de lui parler. Venez, 0800 70 42 48. On s'appelle Jean-Marc et on aide Marc. Ouais. Ok. Ouais. Jean-Marc, c'est notre pervers. Il souhaite se faire castrer. Oh, et puis après, on aide Marc, ok. On appelle sa fille. Allez, let her bitches. On se fait ça. On est là jusqu'à 23h sur Énergie. Grosse émission ce soir. Et vraiment, on veut que tout le monde soit heureux pour Noël. Ouais. On vous attend. 0800 70 42 48. C'est moi qui décroche. On aide Marc. What the hell do you mean? I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits till you let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Oui les amis, on appelle la fille de Marc. Hein, Marc qui souhaite la retrouver, il est aujourd'hui à la rue. Il l'a croisée alors qu'il était sur un trottoir à faire la manche. Et il souhaite passer le Noël avec. On l'aide, on réconcilie les proches. Il va y avoir pas mal de choses les amis, pas mal de dossiers. On va parler de l'amour au travail aussi. Et puis on tentera de désigner le meilleur d'entre vous autour de la table. Ouais. Et n'hésitez pas à balancer des messages à Marc, hein, notre papa du soir. R-I-C-O Énergie sur Snap. Je vais tout lui lire. Et hashtag Rico Show sur Énergie, il y a même des témoignages qui arrivent. Vous avez fait le 0800 70 42 48. On s'occupe de Marc dans une minute, mais pour l'instant, on va s'occuper d'un autre Marc, d'un Jean-Marc. Lui, vraiment complètement chelou, puisque Sarah, c'est un pervers qui souhaite se faire castrer. C'est ça, et il veut se faire élastifier les boules. Tu sais, il se met des élastiques sur les boules, il veut qu'elles soient bleues, les faire ouvrir. D'accord. Enfin, c'est un fou. Il se tape dessus. Alors, je vous explique, si vous entendez le mot sachet, pour lui, sachet, c'est le sachet qui englobe les coucouilles, puisqu'on parle de sachet, je vous le dis. Et il s'agit de l'ouvrir, de jouer avec, lui, il adore jouer avec ses testicules. Tu te trompes pas de Marc et de Jean-Marc, hein, parce que c'est Marc qui veut retrouver sa fille, et lui, il veut se faire perdre les boules. Il y en a un qui veut retrouver, il y en a un qui veut perdre. Hein, et on s'est toujours promis, justement, qu'on allait faire une ablation pour Noël. Donc on prend des nouvelles et ça suit son cours. Ça fait ta plus belle voix. Très bien. Oui, je l'appelle avec ma voix exceptionnelle de femme. Hein. Excusez-moi, mesdames, je suis désolé pour tout. On y va à l'appel. Ouais. C'est le cas nuit. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le cas nuit. Le canular de la nuit sur Énergie. Allô. Oui. Ouais, Jean-Marc, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Écoute, ça va, t'as passé une bonne journée? Oui. J'ai bossé toute la journée. Ah, tu bosses, hein, toi? T'es un gros bosseur, hein? Ah, il faut bosser, Oh là là, tu te baisses beaucoup? Est-ce que tu te baisses beaucoup quand tu travailles? Oui, pas mal, oui. Bah. Oh, vivement que t'aies plus tes couilles, ça te fera ça de moins à porter. Bah voilà. Bon, j'ai une idée, moi. J'aimerais beaucoup te mettre des guirlandes dans le sachet. Ah, si, c'est faisable. Tu sais t'ouvrir le sachet? Ouais. Hein, et t'entends un petit peu? Si tu arrives à le faire, ouais, pas de souci. T'aimerais beaucoup? Bah oui. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse, Jean-Marc? Excite-moi un peu, s'il te plaît. Je suis un peu chaude, là. Bah moi, j'aimerais que tu les prennes, que tu les tordes, que tu les serres, que tu les perces avec des aiguilles, que tu plombes des aiguilles dedans. D'accord. Toi, t'adores la torture, toi? Ouais, moi, j'aime bien. C'est excitant. Raconte-moi ton plus grand moment de torture. Moi, mon plus grand moment de torture, c'est quand, ben, toujours avec l'infirmière, c'est quand elle m'a fendu une partie du gland. Raconte-moi ce qui s'est passé sur ton gland. Bah, elle a pris un ciseau à ongles et elle a enfoncé au niveau du trou du gland et après elle a refermé le ciseau pour fendre le gland, une partie du gland. C'est-à-dire elle t'a coupé le gland? Oui, sur le devant. Elle te l'avait rentré à combien de centimètres? De 2 centimètres. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que ton gland était ouvert? Qu'est-ce que t'as vu? Ben, ça saignait et maintenant il est toujours ouvert, quoi. Voilà. Il est toujours ouvert maintenant? T'as pas pu le recoller? Non, il s'est pas recollé. Non. Et du coup, quand tu fais pipi, c'est peut-être un peu galère? Non, pas du tout. Ben non, comme elle l'a coupé sur le devant. Pas sur le haut, mais sur le devant, sur le bas du gland, quoi. Voilà. Et ça s'est pas infecté? Non, comme elle l'a nettoyé avec du produit et tout ça. D'accord, et aujourd'hui, comment il est ton zizi? Décris-le-moi. Bah, il est normal en apparence, à part que quand on prend dans le gland, sur le devant, ça s'écarte. D'accord, comme un petit minou, quoi. Voilà. En fait, t'as des lèvres, mais sur le gland, quoi. Voilà. Ah, c'est fort. Et tu n'as pas mal? Tu n'as pas des douleurs? Non, rien. Non. Bon, ben, ok. Je vais m'occuper de toi, Jean-Marc. Hein. Oui, ben j'espère. Tu sais qu'avant la Noël, on coupe les coucouilles. Hein. Oui. Ah, t'es en érection là, Jean-Marc. Hein, hein? T'as deviné. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Ça t'excite quand je parle avec toi? Oui, ben oui, beaucoup. Ah oui, hein. Ah, ouais. Tu penses à quoi là, Jean-Marc? Ah ben moi, j'ai hâte de te rencontrer. Ah, moi aussi, j'ai hâte, tu sais, mon Jean-Marc. J'ai hâte de te torturer. Ben oui. Je vais te torturer, t'entends? Oui, j'espère. Je vais te... Dis-moi. Tu pourras prendre des photos et filmer si t'as envie, hein, y a pas de soucis. Hein. Ah oui, je vais te torturer. T'as envie que je te torture? Je le veux. Je t'embrasse, Jean-Marc. Moi aussi, bisous. Aïe, aïe, aïe, on s'est tous mis la main au paquet. Dites-moi ce que vous en pensez. RICO Énergie sur Snap. Honnête Marc, ce papa aujourd'hui à la rue qui veut retrouver sa fille. C'est la magie de Noël dans le Rico Show sur Énergie. Et puis on va élire le meilleur d'entre vous. Sarah, Sylvain ou JM, faites votre choix. Allez, coucouille. J'ai mal. Et vous? Tu t'attendais avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout et de tout le monde. En commençant par le sexe, oublie. toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Si je t'aime je suis jaloux, évidemment je suis jaloux. Bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je suis jaloux, ouh. Même si j'ai confiance en toi. Allez les amis, on aide Marc, ce papa qui s'est retrouvé à la rue, qui a croisé sa fille sur le trottoir et qui souhaite passer les fêtes de Noël avec. S'il a fait tout ça, c'est parce qu'il était conscient qu'il était un poids pour elle et il a voulu s'effacer pour la laisser grandir. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, c'est parti, on va appeler ta fille. Marc, comment tu te sens là, quelques secondes de l'appeler? Voilà, j'ai pas des mots là, je tremble de partout. J'imagine, j'imagine Marc, j'imagine ton émotion. 2 ans que tu lui as pas parlé, 2 ans que t'as pas de nouvelles du tout, hein. Non. Bon, Marc, je veux vraiment que tu écoutes le témoignage de Benjamin. Voilà, à une minute à peine d'appeler ta fille, parce que il vit une situation similaire. Et pour lui ce soir, c'est une chance. C'est une chance que tu fasses ça. Il aimerait te dire un petit mot. Ça va Benjamin? Salut Rico. Salut mon Benjamin. Benjamin, je sais que tu vis une situation compliquée. Ça fait 3 mois que tu dors dans ta voiture, mon Benjamin, c'est ça? Ouais, je suis en galère compliquée. C'est pour ça que j'écoute le message de Marc et ça me touche profondément parce que je vis la même situation. Ouais. Et pour moi, ça devient difficile et j'ai des idées noires, tout ça. Donc, non, mon frère, pourquoi? Benjamin. C'est super compliqué. Je vois pas ma fille, c'est Noël, je vais être tout seul dans ma voiture. C'est. T'es de quel côté, toi, Benjamin? Je suis dans le Pas-de-Calais. Tu es dans le Pas-de-Calais. Ouais. Tu nous racontes un petit peu. Je suis dans ma voiture, je suis sur un parking d'hôpital comme tous les soirs, et puis, ben voilà. J'attends, je vous écoute tout le temps. Et on t'aime, là, le Benjamin. Cette histoire, elle m'a touché parce que, voilà, moi, pour moi, c'est compliqué. J'ai fait une embolie pulmonaire, et là, mes jambes, ils recommencent à gonfler. Benjamin, on va pas te laisser comme ça. On va pas te laisser comme ça, mais. Ouais. Je te jure, Benjamin, on va pas te lâcher, on est ensemble. Hein. Tu sais que c'est ça le ricochet. C'est ça. J'ai ma petite fille aussi que je vois pas. Et voilà, pour moi, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et qu'est-ce que t'aimerais dire à Marc, justement, qui va appeler sa fille, là, Benjamin? Mais qui baisse pas les bras. Et de toute façon, le cœur d'un enfant, c'est tout ce qu'on peut avoir de beau. Et sa fille, elle va lui tendre les bras. Et... Bien sûr. Moi, pour l'instant, je peux pas, mais je sais que ma fille elle-même, mais je peux pas la voir, c'est tout. Voilà. Ouais. Quoi. Et donc toi, tu lui dis, c'est une chance aujourd'hui, il faut qu'il la saisisse, Marc. Ouais, il faut qu'il se batte. De toute façon, on a tous nos soucis personnels, mais il faut qu'il montre à sa fille que c'est un homme fort quand même, qui veut s'en sortir. Marc, qu'est-ce que t'as envie de dire à Benjamin quand t'entends ça? J'ai envie de dire que je veux lui montrer que je suis quelqu'un qui est fort et ça me touche également ce qu'il dit parce que je suis à sa place, je suis comme lui, je suis pareil et là je me suis dit c'est plus possible de vivre comme ça, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin qu'elle voit que je sois là quoi. C'est un cadeau de Noël, j'ai envie d'être là avec elle. Aujourd'hui, c'est ta chance, ce sera celle de Benjamin, c'est ton jour, tu te sens prêt, c'est le moment de retrouver ta fille. Benjamin, ça va venir, ce sera bientôt ton tour, te laisse pas, d'accord? Je sais pas, sincèrement. Marc, je suis sûr que Marc, on va te laisser ses coordonnées aussi derrière. Je pense que Marc, il a vécu une situation compliquée aussi, à un moment donné, c'était pas la joie, il a dû avoir aussi des idées noires, et puis regarde, 2 ans après, il a remonté la pente, et aujourd'hui, c'est son jour. Fait 3 mois que c'est la galère. Benjamin, tu vas relever la tête. T'es peut-être dans le dur, mais je suis sûr que tu vas la relever. Ouais, mais il y a le regard des gens. C'était pour un pestiféré, quoi. Tu vois, on s'en fout des gens. Marc, c'est pareil. Hein, il a vu sa fille dans la rue, mon Benjamin. On va aider Marc et puis on te laisse pas, Benjamin. Non. Hors antenne, tu laisses toutes tes coordonnées et je t'appellerai personnellement. Ok, Benjamin, on va essayer de t'aider au maximum. Ok, mon Benji. Ouais, ok, merci. Je t'aime, mon poulet, je t'aime fort. Bisous, courage. Ah, vous voyez, les gens se reconnaissent sans Marc. Et Marc, aujourd'hui, c'est son jour, mais il y a beaucoup de monde aussi qui souffre. Marc, on appelle ta fille? Ouais. Allez, on appelle ta fille, on se fait une pause là d'une minute et moi je récupère Benjamin en antenne et on appelle ta fille, c'est parti. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, DJ Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vita et Slimane, Dua Lipa, Maître Gims, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Of gonna make. Quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, c'est le moment. Marc appelle sa fille, ça y est, il va lui demander eh bien, de se retrouver après 2 ans sans nouvelles et 2 ans d'absence. Il y a Benjamin qui s'est reconnu dans cette histoire. Lui qui est à la rue comme Marc. Marc qui est en train de remonter la pente, qui va mieux, qui était un poids pour sa fille et qui aujourd'hui est prêt justement à la retrouver et à ne plus l'empêcher d'évoluer. Il s'est effacé volontairement pour pas la nuire. Bon Benjamin, je sais que t'as appelé pour Marc, tu vis la même situation, mais toi t'es dans le dur, t'as pas encore remonté la pente, c'est ça mon Benjamin? Ouais, c'est bien ça, ouais. On s'est eu hors antenne pendant la pub, je t'ai promis un truc Benjamin, je prends l'engagement vraiment à l'antenne parce que je veux vraiment qu'on s'en sorte ensemble. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui te rejette, t'es tout seul dans ta voiture. Il m'a même dit un truc hyper touchant, il m'a dit j'attends 20h pour écouter le Réco Show, c'est le seul moment de bonheur. Mon Benjamin, le nouvel an, nous on le fait ici, on fait 10h, d'accord? Ça va être la régalade, je te jure, je vais tous vous mettre bien, tous ceux qui viennent. D'ailleurs, inscrivez-vous si vous voulez venir, ricochopublic@gmail.com. Mon Benjamin, je te paye le plein, je te paye le voyage aller-retour. Tu viens avec nous le 31, tu viens nous rencontrer, tu passes pas ton nouvel an comme un con tout seul. Et je prends en charge tout ton voyage et on se rencontre avec l'équipe et on passe le nouvel an ensemble. D'accord Benjamin, on va t'aider à remonter la pente et tu viens le 31. Je mets tout en place pour que tu sois là. Ok c'est Benjamin beau. C'est beau. Merci Rico. Ah, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu vas pas dépenser un euro. Ah ouais. Tu vas manger, tu vas tout faire. S'il faut, on te prendra une piole, tu dormiras à la piole, ok? Tu dormiras à la piole, tu repartiras le lendemain. Ok. Ah, ça sera chez Sylvain, hein, mais bon. Bon, ça sera chez Sylvain. Il y a de la place en plus. Ok mon Benjamin. Ouais, je te remercie. Trop bien. Hâte de te rencontrer. Hâte de te rencontrer. Ouais. Et je te dis au 31, tu laisses toutes tes coordonnées, je m'occupe de tout. Ok, t'es mon invité. Je t'aime, mon Benjamin. Bisous, mon pouce. Bisous, bon courage. Allez, bisous. Je t'aime, frérot. On te laisse pas. On va l'aider à leur monter la porte, ok? Allez, c'est parti. C'est à Marc aussi de son côté. Ouais. Marc, t'as vu, Benjamin, il aurait aimé avoir ta chance. Hein. C'est ton jour, mon Marc. Hein. Je sais, ouais. J'en suis conscient. Marc, on appelle ta fille maintenant. Tu lui expliques tes 2 ans de galère, 2 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, elle a un enfant. T'es même pas au jus. Hein. Ouais. C'est parce que tu l'as croisé dans la rue. En toi compte, il sait qu'il est grand-père, qui a vu sa fille passer en poussette dans la rue pendant qu'il faisait la manche. C'est fou, hein. C'est fou. Aujourd'hui, t'as envie de passer Noël avec. C'est ton jour. C'est parti. On l'appelle. Je te laisse lui expliquer tout ça. Et puis nous, on est avec toi. Tu voilà. Si t'as besoin de moi, je suis là. Courage, frérot. Marilyn, sa fille. Allô. Marilyn. Oui. Marilyn, je vous appelle parce que je m'appelle Aymeric Bonnery et vous êtes dans le Réco Show sur Énergie. Alors, je sais que tu t'attendais un petit peu à notre coup de fil, tu sais pas trop pourquoi, c'est la radio, t'es pas bien. Marilyn, si je t'appelle, c'est parce qu'il y a une personne qui veut te parler, une personne à qui t'as manqué, et je te laisse la découvrir. Ok. Vas-y. Marilyn. Allô. Allô. Marilyn. Oui. Ah putain. C'est papa. Je putain. Je voulais aller. Je suis là. Ça fait longtemps que je sais pas comment te dire ça. Ça fait longtemps que c'est pas. Non, papa, ça fait. Je savais même pas que tu étais encore en France, en fait. Ça fait plus d'un an que j'ai pas de nouvelles de toi, en fait. Marilyn, je vais aider un petit peu ton papa. S'il t'appelle ce soir, c'est parce que ces 2 dernières années, il a vécu dans la rue. Voilà, il a eu une histoire compliquée avec son ex-compagne. Il a perdu son boulot. Aujourd'hui, il est encore sans domicile fixe. Je te le dis comme ça, de but en blanc, je sais que ça doit être un choc pour toi. Il t'a déjà croisé dans la rue. Il a même vu que t'avais. Voilà, que t'avais un bébé et Marc, si ce soir il t'appelle, c'est parce qu'il a trouvé la force avec nous de le faire et qu'il a une demande particulière à te faire. Je te laisse faire. Je me suis dit je vais pas pleurer, mais d'entendre ta voix, c'est pour moi c'est magique. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Je suis parti du jour au lendemain, mais faut comprendre. J'ai tout perdu. D'un coup, et je voulais pas que tu me vois comme ça, et j'avais à la fois honte de tout, et je suis parti, je voulais te dire pardon, et je t'ai croisé temps en temps, c'est dur. C'est dur parce que je veux dire bonjour. Je suis à la rue. Comment tu peux avoir traversé ça sans m'appeler avant? Je comprends pas. Il voulait s'effacer pour te laisser grandir. Il sentait que c'était un poids et il a voulu te laisser. Comment on peut grandir sans son papa? Mais c'est le mauvais choix sûrement. Tout le temps il m'a manqué et tu m'as vu et t'as vu ta petite fille et t'es pas venu me voir. Il se sentait pas, il était au bout du rouleau. Ce soir, Marilyn, il t'appelle parce que Marc, il aimerait passer Noël avec toi et te retrouver. Est-ce que t'as envie de retrouver ton père pour ce Noël après 2 ans d'absence? Est-ce que t'as envie d'être avec lui? Bien sûr, je rêve de ça depuis. C'est beau. J'arrivais pas à parler, je suis désolé, mais bon, après... Merci. Je comprends pas que tu aies traversé ça tout seul, papa. Mais en fait, juste que. On va vous laisser. Ces moments, ils vous appartiennent. Wow. Ils sont trop intimes. Ouais. Ils sont à vous. Magnifique. On vous laisse profiter de ces moments-là et profiter de ce joyeux moment. Vous retrouver. Vous allez élire la meilleure personne du Réco Show. Sarah, Sylvain ou JM. Ouais. Il y a du dos, il y a du taf. Imagine Dragons, on souffle un peu. Et on est là jusqu'à 23h avec vous. Quel moment. À la fois. Notre Benjamin qui conseille Marc qui retrouve. Tu vois Benjamin? Tu vois? Toi qui es dans ta voiture. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Prête à fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Ah, je suis content. Je suis content pour Marc et sa fille et pour Benjamin qui sera là du coup pour le nouvel an. Et notez bien Ricochot Public avec un C at gmail.com. Ricochot Public avec un C at gmail.com. Vous appelez pour vous inscrire 0800 70 42 48. Appel gratuit. Il y aura de la bouffe, des kiffs, des cadeaux. Ouais. Bref, on est là pour kiffer. On passe une soirée de dingue ensemble pendant plus de 10 heures. Ça va être énorme de 20h à 6h le 31. Les amis, on va élire le meilleur d'entre vous. Ça, ça arrive. J'ai déjà lancé un sondage pour savoir qui avait les faveurs sur Twitter. Dites-moi aussi sur Snap RICONRJ. Les amis, avant de faire ça, j'ai envie de vous parler d'un petit dos là, sur lequel je suis tombé. Ouais. C'est l'amour et le travail. Ah. Et je suis tombé sur les métiers qui vous attirent le plus. Ah. Tiens, Sarah, qu'est-ce qui t'attire le plus comme boulot, toi? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Quand un mec fait quoi comme boulot? Footballeur. Footballeur. C'est l'oseille. Hein, c'est l'oseille. Non, parce que les footballeurs, ils sont bien faits physiquement. Voilà. Ouais. Et puis, ils ont l'oseille. C'est le sport. Par contre, au niveau intellect, ça rivalise souvent avec Sylvain. Quoi. C'est pas l'amour du ballon. Hein. Ah oui, bah écoute. Ouais, en plus, ils seraient déçus parce qu'eux qui aiment la mettre au fond, avec ça, ce serait vite réglé. Ah non, moi, c'est en lucarne, uniquement. Oh là là. Étoile d'araignée, la lucarne. Le problème, c'est qu'il faut l'attraper, la lucarne. pas facile, facile. Le métier qui te fait kiffer, toi, qui t'attire, Sylvain? Fantasmer, parce que je me suis rendu compte au niveau des études, c'était compliqué. Ouais. Gynéco. Ah, gynéco, d'accord. Ouais. Ah, t'aimerais faire ce métier? Ouais, j'aimerais. Mais chez une femme, quel métier t'attire? Ah, c'est une femme. Ah, il a pas compris le sujet. Stripteaseuse. Ouais. Ah ouais, la stripteaseuse, c'est fort. Ouais. Ah, elle pourrait te faire des strips tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que je me demande, est-ce que la stripteaseuse, même quand s'habille le matin, elle se fait un délire? C'est-à-dire quand elle se déshabille le soir, est-ce qu'elle jette le soutif ou... Arrête, elle saute dans un pyjama, basta. JM. Hôtesse de l'air, hein. Hôtesse de l'air. Ah ouais, ouf, avec leur petit chapeau, là, leur petite tenue. Et bah d'ailleurs, j'ai une étude très précise qui dit que dans l'aviation, c'est là où ça. C'est le métier où on est le plus infidèle. Ah ouais, oui. C'est l'aviation, tout ce qui est hôtesse de l'air, pilote, c'est pas une légende. C'est vraiment le métier où. Voilà. Mais c'est normal, ils sont en escale des fois pendant des 3-4 jours tous ensemble, donc forcément. Dans des beaux hôtels en plus. Oui. Ouais, dans des beaux hôtels. Alors moi j'ai le classement. Mesdames, vous vous êtes attirées par les graphistes. Arrête. Ah mais c'est vrai. Mais arrête. Quoi? Mais moi je m'en fous d'un graphiste. T'en fous d'un? Mais qu'est-ce que je vais faire avec un graphiste? Ah si, Photoshop pour ma tête. Ça c'est bien. Alors attendez, on va m'expliquer sur la liste où sont les attirances des femmes et des hommes parce que je ne comprends pas. C'est peut-être les mecs qui. Alors les graphistes, ça c'est bien les femmes qui sont attirées par ça. Donc oui, effectivement. Donc les graphistes, hein, Sarah m'a mis en doute, hein, vous avez vu. On a aussi les danseuses. Ouais. Voilà. Ah, pour les mecs. Ouais. Les mecs. Ouais, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Elles sont souples. Ah oui, les danseuses. Donc vous êtes attirés par les danseuses. Bah oui, évidemment, les danseuses et tout. Les petites danseuses là qui font les trucs, les shows à côté des M. Pokora et tout, elles sont magnifiques, franchement. Il y a un problème. Le problème, c'est pas ça. Un problème technique. En fait, c'est vous, messieurs, vous êtes attirés par les graphistes, les danseuses, les infirmières, l'architecte. Bah, l'infirmière, forcément. Le mythe. Oui. Être nous sous la blouse. Ah ouais, ça c'est. Alors que vous, mesdames, vous êtes attirés par l'enseignant, le coach sportif, le photographe, le journaliste et le directeur artistique. Ah bah c'est déjà mieux. Ah, y a pas l'enseignant quand il est beau gosse, ouais. Sinon, si c'est comme mon prof de maths à l'ancienne, non merci. Ouais. Il y avait quoi encore? Le coach sportif? Le coach sportif. Ouais, c'est pas mal. On aime bien. Ça a pas d'oseille comme le footballeur. Non, mais pas il peut nous offrir les séances gratos. Ah oui, ça t'intéresse quand même. Ouais, ça m'intéresse. Ah ouais, t'en as besoin. Sylvain. Non, ce qui pourrait lui plaire, c'est le directeur artistique. Ah, le producteur. Ah oui, il y a pas dans la liste. C'est fort, non, il y a pas. Il n'y a pas de producteur. Shaima a fait le 0870 42 48. Ça va, Shaima? Ça va, salut tout le monde. Salut ma poulette. C'est quoi ton métier qui t'attire à toi, qui te fait le plus kiffer? Bah, déjà vous n'y avez pas pensé. Vas-y. Moi, c'est animateur radio. Ah, Sylvain! Est-ce que Sylvain, tu le considères comme un animateur, Shaima? Bah, pourquoi? Comment? Tu considères Sylvain comme un animateur? Ou comme un coach sportif? Non, plutôt comme un animateur, quand même. Ah, plutôt, j'aime bien. Ouais, plutôt. Ouais, ouais. Je suis co-animateur, mais bon, bientôt, t'inquiète pas. Bientôt, tu seras plus que co. Allez, on continue de parler de l'amour au travail. Vous allez lire surtout qui est le meilleur entre JM, Sarah et Sylvain. On se met Kinvé, je courais. Tiens, c'est ce que j'ai fait lorsque Sylvain m'a demandé du taf. Je courais. Non, Sylvain. Trop concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas. Égocentré sur ma carrière, je ne voyais que ça. Papillon de nuit, je laissais la lumière guider mes pas. D'humour et d'ennui, moi je n'étais pas là pour toi. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi, il ne se lèvera pas. J'avais des œillères, car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, là. Je courais, je courais, je remettais à demain. Je courais, égoïstement, je vivais mon rêve à 200%. Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente. Tristement, j'ai appris que tu avais rejoint le Tout-Puissant. Je viendrai te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi, il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, là. J'étais à demain. Si je t'ai déçu, pardonne-moi mes absences. Si tu savais comme je m'en veux. Pardonne-moi, je t'ai perdu. Je n'ai pas saisi l'importance. J'aurais tant aimé te dire adieu. Parce que je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. C'est toi qui es tombé. Je courais, je remettais à demain. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Allez, je vous parle des métiers de l'amour. Et là, c'est les métiers où l'on divorce le plus. Croyez-moi, il y a du très très lourd. Shaima, elle est à fond sur les animateurs radio. Shaima, si on se marie ensemble, on ne divorcera pas. Pourquoi ça? Parce qu'a priori les animateurs radio sont fidèles. Voilà, d'après mon étude, voilà, s'il y a mariage avec animateur radio, c'est fidélité. Oui, ben normal, ils ont pas de vie. Ils sont fidèles à distance. Ah oui, c'est ça. On est bien renseigné. Écoute, Shaima, si tu veux me défoncer à l'antenne, si tu veux parler de nos problèmes de couple, t'es le gars qui s'est déjà fait une vie. Shaima, tu fais quoi comme métier, tiens, toi qui la ramènes? Bah, moi je travaille dans le prêt-à-porter, je sais pas si tu connais Damar, tu sais les vêtements. Ah oui, sont, oui, bien sûr, oh là là, envoie un colis pour voir. Ça tient chaud ça. Bah d'ailleurs, si on a besoin, viens dans ma boutique. Ah bah écoute, je viens mais j'ai pas de carte bleue. Bah je te l'offre. Oh, c'est gentil. Écoute, fais gaffe, Sylvain est parti déjà. Ouais, non, par contre, ça garde la transpiration le Damar. Ah ouais, ah, ça pue après derrière. Ah, c'est vrai, le Damar. Ça a changé. Ah d'accord. Ah oui. Moi, j'ai connu celui de ma grand-mère, c'est pour ça. Oula, Shaima, elle est déjà en vente. Ah ouais. Shaima, faut déconnecter. Hein. Non, on parlait pas de ça. C'est on parlait pas de ça. Alors justement, les métiers où l'on divorce le plus sont les danseurs et les chorégraphes. Voilà, ah, 43% des danseurs et des chorégraphes divorcent lorsqu'ils sont mariés. C'est vraiment le truc où ça divorce le plus. Et regarde Danse avec les Stars. C'est bien Ken avec les Stars bientôt. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est trop charnel, la zone dangereuse, la zone érotique. T'arrives, bam, un boléro et puis... Un chaud. Et puis il y a aussi les barman. Alors là, les barman, parce que ça, en fait, c'est les métiers de rencontre et de proximité. Parce que le barman, tu lui parles dans l'oreille, tu sens, tu humes et puis bam. Ah puis ouais, puis comme tu dis, ils ont ils ont la bouteille facile quoi. Ils donnent des verres à tout va, ils prennent des numéros à tout va et voilà. Et c'est fou. Hein. Bah oui, et puis il y a les métiers du jour, il y a les masseurs aussi. Les masseurs, c'est quasiment autant que les danseurs et chorégraphes. Ouais. Apparemment, quand tu masses, tu es proche. Après le massage, c'est terrible. Hein. Je trouve que c'est fort pour exciter quoi. Ouais, mais moi je veux plus me faire masser par des hommes. Pourquoi? Parce que en Turquie, je te jure, ça m'avait traumatisé. Je m'étais fait masser par un jeune en plus, de mon âge et tout. Oh non. Et le gars. Le gars en détente pensait que je l'avais kiffé et genre voilà, il s'est permis un petit truc quoi. Quoi? Bah genre une petite main une petite main baladeuse. Un wad ou bah, non mais pas quand même, mais non, mais pas un wad. Une petite main au niveau vraiment du fessier, en mode je te masse et je te palpe, tu vois le steak quoi. C'était très particulier. Ah ouais. Le papier roulé, tu connais pas le papier roulé? Ça m'avait choqué. C'est pas vrai. Apparemment, ils voulaient se faire un tartare. Non, mais attends, les masseurs, c'est des infidèles. C'est vrai. Ah ouais, c'est fou. Et moi, j'avais un pote, ce qu'il faisait quand il quand il était avec des nanas, il passait toujours au dating par le massage et c'était 100%. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait chauffer de l'huile dans une petite tasse et il arrivait, il la faisait chauffer, donc elle était un petit peu chaude. Il disait, écoute, vas-y, je te fais un massage. Il faisait enlever le haut en soutif et tout, il massait. Et puis, en fait, quand tu, sur un date, tu vas parce que la nana te plaît ou le mec te plaît, c'est quand même que, voilà, t'es attiré bien d'un point de vue physique. A priori, c'est 100%. Il m'a dit 100%. Mais bien sûr. Bah, le palpé roulé, je peux te le dire. Ouais. Et oui, c'est la MBM. Massage, bougie, musique. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'aime bien la MBM. Voilà. Est-ce que t'aimes la MBM, Shaima? Non. Et la BMW, t'aimes bien? Ouais. Non, Shaima, c'est plutôt le NTM, Sylvain. Quelle barre de rire. Non mais c'est vrai, t'as les métiers comme ça qu'il faut fantasmer et où il y a des petits soucis. Shaima, quelle est la personne que tu préfères dans l'équipe entre Sarah, Sylvain et JM? Alors là c'est difficile, mais je préfère Sarah. Tu préfères Sarah? Tu préfères Sarah? J'aime les hommes, mais je préfère Sarah. Tu préfères Sarah. Shaima, tu viens de donner un point, si, parce que tous ceux qui vont passer ce soir attribueront un point à une personne. C'est l'heure du micro d'or. Oui, tu sais, ma Shaima, grâce à toi, grâce à tous ceux qui nous écoutent, on a eu avec un sondage radio comme quoi nous étions l'émission préférée le soir. Donc je voulais te remercier toi personnellement, Shaima, et tous ceux qui nous écoutaient. Avec grand plaisir, je me régale à vous écouter. Bah, t'es un amour, Shaima. Franchement, on a beaucoup de chance de t'avoir et c'est une vraie chance. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on a ce prix de l'émission, autant savoir quel est le membre de l'équipe que vous préférez. Donc on va se faire ça et ton vote est bien enregistré, Shaima. Je te fais un gros bisou. Merci. Bah, bisous à vous. Merci, Shaima, on t'aime. Bisous. Bisous. Bisous, ma Shaima, on t'aime fort. Plein de bisous. Merci. Merci d'être passé. Les amis, c'est parti. C'est le micro d'or. Elle a démarré il y a un peu moins de 4 ans dans une cave. Elle a débarqué il y a un peu moins de 2 ans sur Énergie. Et grâce à vous, le Rico Show a été élu meilleure émission de l'année. Le soir, en France. Vous avez été des milliers à voter, à vous mobiliser pour faire gagner votre émission préférée. Merci à tous. I want you to be more normal. Les amis, ça y est, c'est lancé, le micro dehors. Qui est le meilleur membre de l'équipe de ce semestre? On est là depuis mi-août. Nous partons en vacances vendredi pour une petite semaine. On se retrouvera pour le nouvel an pendant 10 heures. Vous devez élire la meilleure personne. Ils sont là, ils vous accompagnent tous les soirs de 20h à 23h. Les amis, ça démarre maintenant. Chaque vote compte, que ce soit sur Snap, RICO Energy. Vous m'envoyez un petit Snap, RICO Energy. Vous me dites Sarah, JM ou Sylvain, ouais. Ou par téléphone 0800 70 42 48. On prendra tous les votes. 0800 70 42 48, l'appel est gratuit. Les amis, pourquoi vous méritez de l'emporter, Sarah? Alors moi franchement cette année, je vais te dire sincèrement, coup de théâtre, moi j'ai pas envie de me battre. Cette année le micro d'or, je te dis la vérité. Oh, j'ai envie de chialer, je veux ça pas, parce que pour moi les plus méritants, je te le dis, c'est mes potes, c'est JM, c'est Sylvain, c'est la famille. Oh, JM, non, pour moi JM, le Rico Show, t'en as fait une priorité. Vraiment, jusqu'à te faire tatouer la tête de Rico. Ah non, c'était la tête de Valérie Benaim, excuse-moi. Donc pour moi, t'arrives toujours à l'heure, t'es là au taquet avec nous pendant l'émission, t'es vif, tu ne dors jamais, tu participes jamais à tout. Et pour moi, tu le mérites. Ouais. Alors Sylvain, pour moi c'est toi le micro d'or. Pour moi, tu représentes un micro d'or. Ouais. Ton intelligence, à mon avis, nos copains du Rico Show doivent l'entendre. Ta diction est merveilleuse. T'es au top, tu proposes des idées magiques. Sylvain, pour moi, c'est toi, le micro d'or. Les amis, bien évidemment, je déconne, votez pour moi. Vous savez très bien pourquoi. J'ai pas besoin de vous énumérer la liste de tout ce que je fais, les Sarah du Bled, etc. Ouais, je vous aime fort. Ça. On a eu deux dans l'année. Attention, les amis, à Sylvain de parler. Ce sera JM dans la foulée. Une minute, et c'est à Sylvain. Aya Nakamura sera à nouveau dans une émission avec Nikos. Il avait des post-it de partout, Nikos. Te trompe pas, Nikos, te trompe pas. Je ne me trompe pas. Elle va chanter ce soir ici, sur le plateau d'énergie. Elle est là. Ça me fait plaisir de te retrouver. Merci. Vous avez vu, Nikos, il y a toujours des phrases qui veulent rien dire. Il n'y a que les continents qui ne se touchent pas. Et on a réussi à se retrouver parce que les gens du talent aiment toujours se retrouver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voici Akaya Nakamura. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Salut, c'est Coé. Toi qui par chance s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Énergie, Hit Music Only. Avec Jennifer en concert. C'est Jennifer. Ma radio, c'est Énergie. Jennifer est de retour sur scène pour 2 tournées événements. L'une proche et intime, l'autre flamboyante et électrique. Info et réservation énergie.fr, olympiaproduction.com et point de vente habituel. Jennifer, en concert, un événement énergie. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. C'est le micro d'or et je vais vous dire, je suis sur Snap. Je dépouille un petit peu tous vos messages RICO Energy. Pour l'instant, c'est JM qui mène sur Snap. Ouais. Merci la famille RICO Energy sur Snap. RICO Energy sur Snap. Et vous appelez 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Vous venez. Sylvain, t'aimerais parler de toi. Ouais, exactement. Pourquoi c'est toi le micro d'or de cette émission? Pourquoi c'est toi le meilleur? Donc, je mobilise la team Popo de France et de Navarre. Tais-toi, JM, s'il te plaît, merci. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu parler de cette team. Voilà. Digne des Gilets jaunes. D'accord. Très bien. Parce qu'entre... Oh là là. Ah, ouais. Non, il mélange tout. Parce qu'entre... Alors que Sylvain vient de récolter un vote sur Snap. Hein, merci. Énergie, à l'instant. Parce qu'entre Sarah, qui prétend avoir le micro, elle ne connaît même pas celui de son mec. De micro, ouais, je peux vous le dire. Ah oui, elle ne connaît pas du tout. Hein. Toi, le micro, tu ne connais pas. Entre JM, je crois que JM, sur une émission de 3 heures, on doit l'entendre 1 minute. D'accord. Les gens aiment ça apparemment sur Snap. Donc, tu t'en fous de ce que je venais de comptabiliser un vote pour toi. Il suffit d'être efficace, Sylvain, je t'explique. Et donc, je vous attends parce que voilà, je pense que vous avez vu entre le Tinder, je suis toujours à droite, à gauche. Donc, forcément, celui qui parle, qui prend la parole souvent, c'est moi. Ouais. Voilà, je pense que je suis ton bras droit d'ailleurs. Ah ouais. Je pense que ma je suis ton gauche. Bras droit. Et donc, votez pour moi. Je vous embrasse, Team Popo. Oh là, bravo. Tu devais pas souvent être délégué, toi. Hein. Attention, Sarah, ça t'a pas convaincu. Non, mais c'était nul. C'était ouais. pas drôle. Mais qu'est-ce que tu parles, toi ? Non, mais je t'adore, hein, mais c'était nul. Oh là là. D'accord, JM. Ouais, on est parti ? On est parti. Bah écoute, moi, en tout cas, je suis content parce que les potos, vous avez le pouvoir d'élire le micro d'or. Alors, je compte sur vous. Déjà, je suis le dernier à m'exprimer sur les trois, vous voyez. Mais c'est normal, on finit toujours par les meilleurs. Les gars, je suis dans la on maison. On t'entend pas, c'est normal. Cœur, je t'entends pas. Mais attends, ne lis pas ton prompteur. Mais je lis pas la télé. T'inquiète pas, je fais un freestyle. Je fais un freestyle. Je vous ai pas. Laissez parler le gars. Voilà, merci beaucoup. Je suis dans la maison depuis 8 ans, les amis. Alors laissez-moi gagner un titre. Je sais pas. On sait tous que Sylvain, il est là parce que Rico, il touche des aides, les amis, en le laissant à l'antenne. Voilà. Je comprends le choix de Rico. Il reprend des trucs de Rico. Mais évidemment. Et heureusement qu'on n'a pas collectionné tous les fours de Sylvain depuis le début de l'année. Sinon, on aurait pu ouvrir 10 pizzerias. Putain, je te jure, c'est abusé. Mais toi, c'est pas un four, toi. Sarah, je vous rappelle juste que son père, elle a voulu arnaquer Rico avec l'histoire du restaurant. Et ça, vous le savez, c'est très grave. Alors votez pour moi pour que je puisse ramener le micro d'or à la maison, comme il dit VGD. Bravo, bravo JL. Alors attention, le prompteur. Attention, je vais vous prendre là au standard 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. 0800 70 42 48. Sachez que sur Snap, on est sur une égalité parfaite et je ne mens pas. Je viens de dépouiller Snap au fur et à mesure de vos discussions et on est vraiment sur une égalité parfaite, c'est pas une vanne. Ouais, mais sur quoi ? Sur qui ? Ah, sur vos votes, sur vos nombre de votes. Oui, c'est-à-dire que les gens votent et disent JM. Même ça, il n'a pas compris le sens d'égalité. Oh, mais il y a que trois mecs. Donc il y a trois votes sur trois égalités sur les trois mecs. Oui, pour l'instant, vous êtes tous à égalité. Ah, voilà, d'accord. C'est le principe de l'égalité. Pour l'instant, j'ai pu dépouiller jusqu'à 30 votes. Wow. Vous êtes tous à égalité, les amis. Allez, les ça va se jouer allez. Là, maintenant. Allez, allez. Team Popo, je vous aime, on va team savoir Sarah. Qui va l'emporter. Dernier mot, Sarah. Je vous aime fort et moi, je vous parle tous les jours au téléphone. Je vous adore, je suis honnête avec vous. Ils ont traîné ma famille dans la boue. Ferme-la. Votez pour moi, je vous kiffe. Sylvain. Je vous embrasse tous. En plus, le numéro, il est gratuit. Donc, il est comme moi. Je suis gratuit. Donc, allez-y. Appelez. 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. J'ai les gars, peut-être que je parle pas beaucoup dans l'émission, mais à chaque fois, c'est efficace pour vous. Allez, faites le bon choix. Attention, vous êtes prêts à faire quoi si vous êtes élu micro d'or là tout de suite pour faire kiffer les gens? Je donne mon corps à la science, je fais tout, je fais ce que vous voulez, je vous parle au téléphone juste après, je vous donne non, mon zéro. Mais ça, c'est normal, je donne mon numéro de téléphone. Tu fais quoi? Je donne mon numéro de téléphone. T'es micro d'or, tu donnes ton numéro. Attention, il va falloir le faire, pas de fausse promesse. Et pas un faux numéro, hein. Pas un faux numéro, pas de fausse promesse. Ah oui, j'avoue. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Si je suis micro d'or, j'écris une chanson, même si vous avez mal aux oreilles, pour tous les poteaux du Rico Show pour les fêtes de fin d'année. Très bien, Sylvain. Moi, les 10 premières nanas qui. Qu'appelle, je leur envoie un cadeau de Noël, ma guirlande. Moi je vais follow tous les gens qui me citent sur Twitter, Insta, partout, je vous follow back les gars. 0800 70 42 48, bon entendeur. Thank you. rencontré il y a un peu moins de 4 ans dans une cave. Elle a débarqué il y a un peu moins de 2 ans sur Énergie. Et grâce à vous, le Rico Show a été élu meilleure émission de l'année. Le soir, en France. Vous avez été des milliers à voter, à vous mobiliser pour faire gagner votre émission préférée. Merci à tous. Et oui, voilà pourquoi on a décidé d'élire le micro d'or. Je vous le dis les amis, on a des chiffres qui tombent. Vous allez au standard 0800 70 42 48. Vous appelez. Ouais. Vous appelez les amis, il y a beaucoup, beaucoup de snaps. Je vous dis sur Snap, c'est beaucoup JM. Merci et Sylvain. Beaucoup. Ah, merci. Je crois merci qu'au standard, beaucoup. C'est pas forcément ils pareil. Ils l'embrassent. 0800 70 42 48 RICO Énergie, les amis. Je vous donne les résultats dans 5 minutes. Ah, ok. Oui. Alors, les amis, on va faire le nouvel an. Vous le savez, vous envoyez un message ricochot public avec un C à gmail.com. Hein, et puis, vous votez aussi là, tout de suite. 0800 70 42 48. On élit. Je voulais vous parler d'un truc très important. Oui. C'est que, voilà, quand on fait une soirée, le temps que vous votiez, on a besoin de Sam. Voilà. Oui. Alors, comment vous faites-vous, justement, pour élire votre Sam? Vous dites, voilà, Sam, c'est celui qui va me ramener en vie. C'est le conducteur qui ne boit pas. Comment vous faites, JM? Et nous, on prend un saladier, on met toutes les clés dedans, ah et ouais. On joue à Momo Motus avec des clés, ça fait clé, clé, clé, clé. C'est pas on super. Tourne, on tourne, on tourne, et le premier qui sort la clé, bah, c'est lui qui ramène. C'est lui qui est Sam. J'aime voilà. bien, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. Moi, ce que je fais, j'ai toujours un pote rebeu qui boit pas d'alcool. Ah, ça, c'est beau, ça. Je l'amène à toutes mes soirées, c'est la grande gueule-tonnade, il me coûte le soft de la bouteille, et puis il me ramène en vie. Ah. C'est pas mal, respect. Bah oui, Samy. Samy le Sam. J'ai toujours ce pote-là, Sarah. Alors, moi, avec mes copines, ce qu'on faisait, puis maintenant, quand je sortais aux boîtes, on demandait à un mec, en fait, à son avis, quel âge on faisait. Ouais. Et en fait, c'est moi qui perdais tout le temps parce que je faisais la plus vieille. Ah c'était bah, la plus vieille, en fait, qui était Sam. Celle qui faisait la plus vieille. C'est pas Sam. Vrai. Ouais. Et c'est tu perdais tout le temps. Quoi, et tu perdais tout le temps. Bah ouais. Sans filtre, c'est plus pareil. Sarah, elle est dégoûtée parce que pour ouais, l'instant. Je suis pas bien. Ouais. Non, Sarah. Mais franchement, je bosse comme une malade et tout. Et on personne sur Snap, il va te mais on parle de ça, on parle pas de alors micro d'or là. Ouais, elle détourne le truc là. Elle détourne le truc. C'est important, ça va. Je suis la seule fille de cette équipe. Et rien pour ça, je devrais gagner. Les gars, il lui faut un Sam pour ce week-end. Mon avis, elle va se mettre carpette. Pour oublier. Avec modération, l'alcool, évidemment, c'est le meilleur remède déjà pour entrer en vie. Sylvain, ta technique. Ah ben moi, je fais un jeu de la courte tub. Ah oui. Celui qui a la plus petite, il part avec le volant. Respect. C'est horrible. Et oui, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas chez Sylvain. Sam, le conducteur désigné. Respect, Sam. Ouais. Respect. Tiens, vous venez avec vos techniques, je vais filer un cadeau pour la meilleure technique. Là. Ça va, mon Guillaume? Ça va, et vous? Salut, mon poulet. Guillaume Montpellier. Hein. T'as une petite technique, toi, mon Guillaume? Ouais, moi ma technique, en fait, on est avec nos potes, on arrive au bar et on demande à la serveuse de choisir le Sam. Ah, et c'est en fait, moi j'ai fait un petit clin d'œil et comme ça, elle me choisira. Ah, comme ça, elle te choisit pas. Ah, c'est fort. C'est fort. Et elle choisit pas, c'est pas mal. Mais au moins, on choisit un Sam et on rentre en vie. Ouais. Et tu le fais à quelle heure ce choix? Parce que si tu le fais à 4h du matin, c'est mort. Parce qu'en plus, les clins d'œil, elle dit t'es fatigué. Mais je valide. Y'a Ludovic aussi qui est là. Ça va, Ludo? Ouais, salut Rico, salut tout le monde. Ouais. Salut Mouno, c'est quoi ta technique? Moi, avec mes potes, en fait, on se réunit, on regarde et on se dit, ouais, c'est qui a chopé en dernier? En fait, c'est celui qui a chopé en dernier, ben, c'est lui qui fait le Sam, en fait. Ah oui, ouais. C'est pas mal. Technique. C'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien. Bah oui, de toute façon, lui, il a pécho, il s'est fait kiffer, donc aux copains de profiter. On n'est pas chopé en dernier dans la soirée, parce que pareil, ils sont déjà à un grade certain. Non, c'est la soirée d'avant qu'il voulait dire. C'est la soirée d'avant, c'est avant la soirée. Qui a chopé la soirée dernière? Le dernier qui a chopé, c'est un tel. Bah toi, t'as kiffé, maintenant c'est à moi de kiffer. J'aime bien le concept. Ah oui. Bravo. Moi j'aime bien cette idée de Sam. Bravo. Il y a Tristan aussi qui a une solution. On va élire la meilleure solution. Ça va, mon Tristan? Salut, ça va, nickel. Salut. Et vous? Salut. Nickel. Alors Tristan, raconte-moi. Alors nous, on met tous nos portables sous la table et c'est le premier qui reçoit un SMS qui sonne, qui passe en tant que Sam pour la soirée. D'accord. Ah ouais, c'est fort. Grave. C'est fort. Putain. Ben là, je peux te dire que t'es content quand t'as pas d'amis. Ah, j'aime bien. Tu poses le téléphone, tu mets la sonnerie et le premier que ça fait ding, et le truc, tu dois le regarder comme une bombe avec la goutte. Il faut juste mettre le mode avion avant, ça t'es sûr de gagner. Bah, non, Non, il faut le faire. Mais j'aime bien cette idée. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Il y a deux idées. Il y a le téléphone qui est posé, pam, le petit SMS, on est tranquille. On a aussi le dernier qui a chopé avec Ludo. Et puis, on a Guillaume qui nous avait dit, mon Guillaume. La serveuse. Ouais. La serveuse qui choisit. Vous allez devoir désigner la meilleure technique et à qui on va faire un cadeau. Vous me dites, on lance un sondage tout de suite, hashtag Ricocho sur énergie avec les trois techniques et on va offrir le cadeau. Les amis, il est l'heure de dépouiller le micro d'or. À la décroche. À la décroche, vous avez vraiment beaucoup appelé. Voilà, beaucoup. Vous voulez que je fasse un petit tour sur Snap, vite fait, RICO Énergie, rapide. Snap, Twitter, tu veux partout. Est-ce que vous voulez que je vous lise les 5-6 derniers? Vas-y, la tendance, ouais. D'accord. Je ne changerai pas, c'est JM. Merci beaucoup. Il y a Abonnery qui dit, pour moi, le micro d'or, c'est Rico. Bah, non, parce que c'est Abonnery. Le gars, sur moi, tu vois. Oui, c'est moi qui ai envoyé un message. Les amis, attendez, ça envoie des messages de partout. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf, j'arrive pas. JM. Ouais, merci, ça JM. Fait deux. Trois. Il y a Sarah qui dit, je vous adore, je vous écoute. Ok. J'ouvre en direct, les gars, hein, sur RICO Énergie. JM. Quatre. Putain, ça tombe hein, comme la grêle. Hein. Attention, Sarah. Ah. Waouh. Sarah. Ouh, Sarah. Enfin. Ah ouais, mais elle a mobilisé là toute la. Alors, sur ma tête, que pour une fois, je n'ai mobilisé personne. Ah. Sarah. Merci. Allez-y, les copains. On fait quoi, alors ? Sarah. Ah, JM. Ouais. Sarah. Ah, je remonte, hein, merci. JM. Ouais. Sarah. Oh. Sarah. Oh. Sylvain. Sarah. Oh, Sylvain, purée. Sarah, oh oui, Sylvain, RISO Énergie, Sarah, Sylvain, merci Sarah, les potes. JM, ouais. Sarah, JM. Il y a beaucoup de Sarah là. Hein. Sylvain. Il y a beaucoup de Sylvain aussi alors. Sarah, JM. Mais elle a créé Sarah, des faux comptes, je vais voir, on Sarah, JM, trucs, là, JM, Sarah, ah. Sylvain. Sylvain est à la ramasse du coup. Non. Les attends. Amis, je vous le dis, j'ai regardé, franchement sur Snap. Il y a vraiment des votes pour tout le monde. C'est vrai. Ouais, je décide. Bah oui. Non, mais je vous le dis, c'est tombé pour tout le monde. Au début, c'était Sylvain et JM. Ouais. Là, Sarah a rattrapé. Ouais. Mais le standard est là depuis le début et j'ai les chiffres du standard. T'es sur Twitter aussi au cas où ? Ouais, j'ai. Alors sur Twitter, hashtag Rico Show. J'ai mobilisé tout le monde, alors, JM, je le connais. Oui, je regarde. Non, je t'as ça. Dû regarder. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, il a regardé. Pas con d'or ou quoi ? Alors sur Twitter. Il a mobilisé toute la planète, sache. Il a mobilisé. JM à égalité avec Sarah et Sylvain en retrait. Ah ouais, oui, moi c'est qui c'est sur Twitter. Je vais donc me fier à la décroche et au téléphone parce que entre Twitter et Snap, etc., on est vraiment sur une égalité. D'accord ? Est-ce que Mohar Salan, on a le gagnant de la meilleure technique ? Est-ce qu'on a ? Tu as le sondage de la technique ? C'est plus l'ennemi. Alors Arsalan, ouais, le community montre-moi, manager. Montre-moi, notre community manager qu'on aime fort. Qui fait la météo aussi des fois. Les amis, j'ai les scores. Ah mais c'est dans une enveloppe et tout ? J'ai les scores. Non, c'est pas dans une enveloppe. C'est très serré. Si, j'ai une enveloppe avec tous les scores. Et les gens, on les a pas au tel ? Les gens, on les a eu tous au tel pour avoir. Les gars, sur le standard, j'ai exactement, et c'est pas une vanne, j'ai 70 votes. Non, c'est représentatif. Oui. 70 votes, on a du Snap, etc. RICO Énergie. Waouh! Les amis, en dernière position. Oh non. En dernière position. Mais vraiment, c'est un centimètre. D'accord? C'est un centimètre. C'est un centimètre des autres. Vraiment, il s'est collé, c'est très serré entre tous les trois. Je vous le dis. C'est Sylvain. Mais Sylvain à la décroche. Qui termine dernier du micro d'or. Pas la décroche, la pas team Popo, Sylvain. Quoi. La team Popo, elle est où ? La team Popo, elle est où, team Popo ? Elle roupie. Elle est en vacances. Elle est en vacances. J'aime pas ça. Attention, ça s'est joué à deux votes d'écart avec Sylvain. Wow. Pour vous dire. La personne qui est en deuxième position avec deux votes d'écart avec Sylvain. Même. Ça s'est joué à deux votes d'écart. Le suspense, quoi. Ah, j'aime pas. Et le gagnant a distancé tout le monde du double de vote. Mais ah ouais. C'est une blague. Du double de vote. Ouais, c'est comme toi, c'est pas Miss France. Vas-y, balance. Ouais. C'est pas Miss Rico Show non plus. Depuis qu'il est dernier, il est tranquille. Hein. C'est bon, ouais. Et donc, le gagnant, avec le double des votes de Sylvain et de JM, c'est Sarah. Mais non, Sarah qui remporte. Arrête, c'est le micro du Rico Show sur Énergie. Beaucoup de sollicitations, Sarah. Et en grosso modo, t'as 50% des voix et 26 pour JM contre 24 à peu près. Alors, pour notre Sylvain. Vas-y. Eh, franchement, je m'y attendais pas. Pour une fois, cette année, vraiment, je pensais pas du tout l'avoir. Je vous aime un truc de malade. Je vois tous vos messages passer. Merci, je vous kiffe vraiment, les gars. Je vous kiffe. Miss France. On fait ça pour vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sarahcadour.org. Allez, on se répond. Merci du fond du cœur, je vous aime vraiment. Merci Sarah évidemment. Et Tristan, c'est toi qui gagne le cadeau pour le Sam avec ta solution. Bravo. Respect à Sam, franchement, bravo de faire ça mon Tristan. Il pose les téléphones et le premier qui reçoit un SMS est Sam. Comme ça, voilà, c'est justifié. Mon Tristan, on va te faire un cadeau. Merci mon Tristan. C'est cool. Merci. Bisous. Non, Tristan et Ludo et Guillaume, on vous fait un cadeau aussi parce que j'aime bien. Vous êtes des Sam et c'est important d'être des Sam. Ouais. On valorise ça. On vous fait des cadeaux. Ok les copains. Ouais, super, merci. On vous aime, on vous aime, Ludo et Guillaume. Et franchement, merci à vous tous, les amis, de nous avoir permis d'être l'émission nocturne de l'année le soir. Merci, on vous aime très très fort. Et bravo à Sarah pour ce micro d'or du premier semestre. Et franchement, JM qui fait une belle percée. Ouais. Merci beaucoup. JM merci à tous, qui se réveille et qui talonne Sylvain. On peut dire vraiment que Sylvain et JM étaient au coude à coude. cool. Vraiment coude à coude. Et c'est bien parce que comme ça, ça va être serré pour le prochain micro d'or. Ah, ouais. Ça. Bravo, ouais. Bravo. Bravo. Peut-être qu'il aura sa séquence bientôt, quoi. Ah bah écoute, on va y songer. On va y songer, les amis. N'hésitez pas à me dire RICO sur NRJ. N'oubliez pas l'important dans la vie. C'est faire ce qu'on aime. On se retrouve demain à partir de 20h. Maintenant, c'est Mickaël qui prend le relais. Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Écoute, non. Ça va, Mika? Écoute, non. Ça va et toi? T'es en forme? Bah écoute, tranquillement aussi, écoute, ça va bien. Ouais, ça roule. La soirée fut bonne, l'émission fut bonne hier aussi, donc on va essayer de faire mieux ce soir encore. Ouais, c'est la continuité, ça roule. Exactement, ça file. Exactement. Bon. Exactement. Bah jusqu'à 3h comme tous les soirs, et puis vous demain 20h en direct. Et puis toi lundi 20h, du coup, c'est toi qui en. Eh bah oui, exactement, toute la semaine prochaine 20h aussi, 24 au soir y compris. Mickaël, c'est qui ton préféré dans l'équipe du Ricochon? On faisait le micro d'or là. Ah ouais. Sincèrement, en toute honnêteté, le meilleur chroniqueur. Qui tu préfères entre Sarah, JM et Sylvain? Aucun. Ah, moi j'aime bien Sylvain, moi. Il y a toujours des bonnes. Des bonnes attaques. Merci mon frérot. C'est bien. Merci. Je trouvais ça drôle. Ça compte triple, ça. Ça compte triple. Voilà. Et du coup, c'est Sylvain, le micro d'or. Et ben voilà. T'as bien fait de la poser. Bravo. La question, Sarah. Elle voulait que Mickaël lui caresse le poil. Non. La chemise et tout. Bon, après, je suis honnête, je dis. Hein, après, voilà. Ah mais tu dois pas écouter souvent, j'avoue que j'écoute pas tous les soirs. Moi parce qu'on bosse en même temps, mais à chaque fois que j'écoute quand Sylvain est là, enfin quand Sylvain parle, il y a des moments où ça me fait marrer. Je vote aussi. Et ben merci. Voilà, Polo vote également. Vas-y Polo. Allez. Polo, tu votes qui? C'est énorme. Il a donné à Sylvain, ouais. Ah Sylvain. Putain. C'est qui le micro d'or maintenant? Et Toff, il est dans le coin ou pas? Ah non, Toff, il est au chiot. Il est au chiot, on va taire lui. Bah, du coup, il a voté JM, hein, s'il est au chiot. Ah ouais, c'est ça. C'est bon ça. Bon, ok, l'équipe, profitez. Bon, ça roule, merci beaucoup. Bisous, merci à vous. Ciao. Ciao. Allez, passez une bonne soirée. On se fait le son de DJ Snake maintenant sur NRJ. On arrive après. 01 40 71 5000. Bienvenue si vous arrivez. On est là tous les soirs. C'est Mickaël sur NRJ. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki.